Bon, alors, les amis, bienvenue aux quatre mots. Une autre rencontre mensuelle, le mois de février déjà. Ça se donne, c'est le mois de l'histoire des Noirs. En même temps, je pense qu'on pourrait établir une tradition. Cette année, on va l'inaugurer avec Alex Renaud, que je connais un peu avec Victor Ramos, le cercle... Gabriel Garcia Marquez. Gabriel Garcia Marquez. À la bibliothèque Gabriel Auroi, une fois par mois, depuis de nombreuses années. C'est quel jour? 10 ans. 10 ans, vous autres? Oui. C'est quel jour déjà? Le dernier mercredi du mois. Le dernier mercredi du mois. C'est toujours intéressant, les écrivains qui vont là, c'est super, super de qualité. Alex est écrivain d'ailleurs, poète et diseur. Alors, je vais nous en dire plus. Puis, ça donne que, je lui ai dit, comme les cours, les délais étaient courts, quand on s'est parlé, je lui ai dit, as-tu quelque chose que tu maîtrises déjà, puis que tu peux nous servir, quoi, un plat qu'il y avait dans son frigidaire. Puis, sur Haïti et l'indépendance d'Amérique latine, c'est quelque chose qui a déjà travaillé. Donc, mais nous, ici, c'est pas grave, c'est du neuf, on n'a jamais entendu parler de ça. Donc, nos oreilles sont pures et fraîches, vous avez vu ça? On va pouvoir s'imbiber de ces connaissances-là. Moi, je me souviens, j'ai lu la biographie de Toussaint Louverture, écrite par Aimé César. Oui. Puis c'est d'une beauté, ce livre-là. Aimé César, il écrit, ça se peut pas écrire bien de même. La langue française, voltige, à des auteurs qu'on soupçonne même pas. Vertigineux. Oui, hein? Bref, Alex va nous parler pendant une heure environ, puis après ça, il y a une pause vers 8 heures, puis après ça, ce sera les échanges, une pause de 15 minutes, hein, allez-vous-en pas. Puis après, on va pouvoir poser des questions à Alex, le torturer, le contredire, essayer de voir qu'est-ce qui cadre pas, là, selon vous, mais ça m'étonnerait. Moi, je me suis présenté, Yves Carrier, on va faire un tour de présentation, si vous voulez. On va entendre votre nom, le son de votre voix. Décroché ou dégroché? Parle-là. OK. Bernard Orval, membre du CAPMO. Michel Lacner, membre du CAPMO aussi. Michael Lessard, je m'occupe surtout du média réseau forum.org. C'est au sous-sol. C'est actif à cette fois. Je me rends désolé. Renaud Blais, moi. Militaire divers, activité avec. Jean-Claudette Dumont, membre du CAPMO. Dis pipichou. Ah oui, c'est vrai. Ah, faut pas oublier ça. Cassandra Boivin, membre du CAPMO. Ronald Lachapelle, membre du CAPMO. Émilie Frémont-Poutier, donc je m'occupe plus particulièrement au CAPMO du collectif pour un transport abordable et accessible à Québec, donc le collectif TRAP. Monique Bissière, Ose Marie Tuvet. Monique Plutard, du CAPMO, je suis dans le CA, je suis dans le comité de transport et je suis aussi militante dans un autre organisme parce que la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale et me tient beaucoup à cœur. Louis Gagnon, je suis en CA du CAPMO. Merci. Francine Bordelot, membre du CAPMO. Christian, membre de. Un collectif qui s'appelle Québec au Canada. Je suis aussi membre d'un collectif qu'on est en train de créer un peu partout dans ce qu'on appelle le Québec, des collectifs de défense et décolonisation des territoires. Ah, c'est lui. La défense et décolonisation. C'est un gros boulot. Puis aussi du camp de l'hiver qui existe depuis qu'il y a eu blocage de gens qui ont fait un blocage contre Junix, la compagnie pétrolière. Ah oui, pas loin de Gaspé. On a maintenu le camp. Il existe encore. Parce que c'est le camp de soutien qui s'est transformé en camp de la rivière parce que le blocage de la SQ l'a démarré. Mais, tout ça. C'est à Gaspé, ça? Oui. Ouais. Ben, 20 km sur la 198, entre Gaspé et puis Meurdeville. Moi, c'est Claude, membre du CA du CAPMO. OK. Mon Robert Lapointe, membre du CAPMO aussi. J'anime le samedi de 5 à 7 d'activités sur la spiritualité soufie. Alors, on lit un livre du 13e siècle, Le Cantique des Oiseaux, d'Abdallah. C'est très, très beau. Jean-Claude Dumont, En arrière, petite nouvelle, vieille membre du Quatre-Mont. Petite nouvelle, vieille. Michel Daïti, je suis membre du conseil d'administration de la table de concertation pour le mois d'histoire des Noirs. Ah, OK. Ah. C'est ça. Jonathan Côté, membre du Quatre-Mont. Alex Renaud. Alors, on y va. Oui, est-ce que les lumières sont trop fortes? On en ferme-tu une? Oui, ça sert bien. C'est un peu glaçant. Lequel? Okay. Peut-être celle-là, oui. On va faire un petit. Ouais, mais je ne veux pas faire dormir après avoir si bien mangé. C'est bon comme ça? Ça devrait aller pour moi, ça va. C'est bon. Oui, c'est bon. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je vais vous parler donc d'Haïti, du rôle qu'a joué Haïti dans l'indépendance de l'Amérique latine. C'est un fait très peu connu, sauf de quelques spécialistes. Je ne prétends pas être spécialiste, je ne suis pas historien non plus. Donc, c'est vraiment le fruit de recherches que j'ai faites. Et je commencerai par vous dire que la grande presse internationale semble avoir toujours ignoré un fait. C'est que dès qu'il s'agit de venir au secours d'Haïti, les premiers pays à se présenter sont d'Amérique latine, principalement le Venezuela et Cuba. Et cela pour des raisons historiques que justement nous aborderons dans cet exposé. Alors, n'étant pas historien, je ne vous dirai pas tout ça par cœur, j'ai mon texte. Si jamais vous voulez m'interrompre à un certain moment pour une précision ou quelque chose, vous le faites. Sinon, à la fin, on pourra discuter. Et ma présentation s'inspire d'une conférence que j'ai prononcée il y a plusieurs années pour la Casa latino-américaine de Québec et dont je me suis inspiré aussi pour un article demandé par Mondo Cardaval en 2016, alors que j'étais président d'honneur de Mondo Cardaval cette année-là. On sait quels liens unissent le Québec et l'Amérique latine depuis plusieurs décennies. Mais là, il y a eu un petit clin d'œil à l'histoire que j'ai trouvé assez intéressant. C'est en 1979 que le Québec a créé sa première délégation du Québec en Amérique latine, c'était à Caracas. Et le délégué général cette fois était Christian Latortue, d'origine haïtienne. Et là, on voit déjà un certain lien, Haïti, le Québec, l'Amérique latine. Alors, la conférence à laquelle j'ai fait allusion avait pour but, non pas de rappeler, mais bien de faire savoir et d'asséner, de répéter qu'Haïti fait bel et bien partie d'Amérique latine, ce qui est contesté par certains, et avec des arguments qui sont parfois farfelus. Donc, je vous propose ce soir, par examiner de près la notion d'Amérique latine pour commencer, nous ferons un survol rapide de l'Amérique précolombienne avant de nous attarder un peu plus sur la période révolutionnaire d'Haïti qui a amené justement Haïti à aider l'indépendance de l'Amérique latine. Le très regretté professeur Maximilien Laroche s'était intéressé à la question, remontant aux origines de cette dénomination qui date du milieu du 19e siècle, plus précisément lors de l'expédition du Mexique. C'était 1862-1867. Napoléon III espérait profiter de la présence française en Amérique pour établir son emprise. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti, donc la France a dû quitter précipitamment. Dans le même ordre d'idées, Alfredo Viadan, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, précise « Ce terme n'a jamais été revendiqué par les latino-américains eux-mêmes, avant le milieu du XXe siècle. » Période à partir de laquelle il leur a permis de se définir en opposition à l'Amérique anglo-saxonne, surtout les États-Unis. C'est tiré de Georges Coffignal et collaborateurs, l'Amérique latine tournant du siècle. À cela, on apportera la nuance suivante. Cette idée d'union visant à faire contrepoids à la puissance croissante des États-Unis remonte à Bolivar, qui, malgré l'admiration qu'il professait pour les États-Unis, s'en méfiait, à juste titre. D'ailleurs, parce que c'est à Washington que son projet d'alliance continentale a trouvé le plus de détracteurs, ce qui explique en partie l'échec essuyé par le Libertador au Congrès de Panama en 1826. Paradoxalement, ce sont les Américains qui reprendront son idée, son projet en modifiant certains détails, pour mettre fin en fait plutôt pour mettre sur pied leur bureau commercial des républiques américaines qui préfigurait en quelque sorte l'actuel ALENA. L'idée refait surface au début du XXe siècle avec l'Uruguayen José Enrique Rodó, en l'occurrence son essai sur les fondements naturels de la démocratie, publié chez Ariel en 1900. L'écrivain constate et déplore chez ses contemporains une fascination croissante pour les États du Nord. À cela, on peut rapprocher le film El Norte de Grégory Nava. Et on peut aussi se rappeler qu'actuellement à Porto Rico, depuis quelques années, c'est presque une honte, d'après certains, de parler espagnol. Aux États-Unis, Porto Rico. Et c'est quand même incroyable, mais plusieurs ne se reconnaissent plus portoricains, ou du moins, ils ne se reconnaissent plus hispanophones, mais anglophones. Mais Porto Rico, c'est quoi le statut? Le statut de Porto Rico, parce qu'ils sont reliés aux Américains? Oui, ils sont, comment dirais-je... Protectorat américain, oui. Ou État associé. État associé, oui, c'est ça. C'est le terme qu'utilise. Donc, certains en oublient leur espagnol et certaines familles n'enseignent plus, ne parlent plus espagnol à leurs enfants. Donc, c'est vraiment cette délatinisation. L'Argentin Manuel Ugarte prêche l'union de tous les États voisins en une grande patrie capable de faire échec à l'expansionnisme états-unien, encore fortement inspiré par la doctrine de Monroe. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que cette idée-là, qui était d'origine latino-américaine, avant la lettre, a été décrié par Washington, qui, de son côté, a voulu faire la même chose. La notion d'Amérique latine relativement large allait finir par s'imposer au détriment de son concurrent le plus immédiat, ce qu'on a voulu appeler l'hispano-américanisme, de par sa formulation, ce qui risquait d'exclure un partenaire important, qui ne parlait pas espagnol, donc le Brésil. Je dis que cette notion est relativement large, en ce sens que les peuples autochtones ne s'y reconnaissent pas. C'est notamment ce qu'a rappelé l'intervention passionnée de Ivan Ignacio lors d'une table ronde qui a eu lieu en 2003 lors de la première quinzaine latino-américaine à l'Université Laval. Et la position de Inintisu Waman, amérindien, auteur de Tradition y Modernidad, Una Perspectiva Amerindia, allait dans le même sens, quoique plus nuancée en raison du dilemme posé par la situation des Métis. C'est là un débat qui reste ouvert, mais qui dépasse le cadre de ma présentation. Je fais ici allusion seulement parce qu'il est, comme on dit, de plus en plus incontournable. La question identitaire reste donc posée, ce qu'exprime, sur un plan plus général, le professeur Maximilien Laroche dans sa dialectique de l'américanité. Il reste à l'homme américain à se découvrir lui-même. Et il semble bien que, pour plusieurs, ce soit une terra incognita, plus difficile à atteindre que les Indes mythiques que cherchaient les navigateurs d'antan. En qualifiant de manière naturelle un territoire, on atténue quelque peu les résonances géographiques pour mettre l'accent sur les particularités communes aux différentes régions, du Mexique à la Terre de Feu. Ainsi délimitons en général l'Amérique latine, ce qui inclut implicitement une partie de l'Amérique du Nord. Les particularités communes sont d'ordre socioculturel, on voudrait bien l'admettre, la mainmise européenne, l'évolution historique, les langues latines et, dans le passé beaucoup plus lointain, quelques 2000 langues autochtones. Ce nombre n'inclut pas les dialectes. Un petit coup d'œil sur l'Amérique précolombienne. Sur tout le territoire qui s'étend aujourd'hui du Mexique à la Terre de Feu, on parlait avant l'arrivée de Christophe Colomb en Amérique environ 1700 langues. Si certaines d'entre elles se trouvaient limitées en termes de diffusion, par exemple le Sabela en Équateur, le Tujuneru au Pérou, le Yuracare en Bolivie, d'autres couvraient de très grandes étendues. Dans ce dernier cas, nous retiendrons surtout trois phylums, c'est-à-dire des souches primitives, soit l'Azteco-Tonoan, Aztec et Maya, l'Arawakan, regroupant les langues Taino, Arawak et Chamicura, le Tupi-Guarani, regroupant 108 langues. Rien qu'avec ces 364 langues, nous pouvons dresser une carte linguistique s'étendant du Yucatan à l'Argentine. Et il conviendrait d'y inclure le groupe Caraïbe, qui concerne particulièrement l'Amérique centrale. Ce qui nous intéresse ici, c'est de rappeler les parentés linguistiques qui, tout en favorisant les échanges, attestent des alliances, des filiations de toutes sortes et des unions conclues entre les populations concernées. Au-delà des conflits qui, par exemple, opposaient régulièrement les Arawaks et les Caraïbes. On retrouve la langue Arawak en Colombie, à Cuba, en Guyane, au Brésil, au Venezuela, au Paraguay, et bien sûr dans l'île qui, à l'arrivée de Christophe Colomb, s'appelait en langue Taïno, Arawak, Haïti Boyo Quisqueya, ce qui signifie terre montagneuse. Le navigateur la nommera Española, qu'on a francisé en Hispaniola, et en fera l'une des premières colonies espagnoles. Là, de l'ère coloniale à l'indépendance d'Haïti. Alors, au lieu de vous lire toute une longue bibliographie, je vais simplement vous citer quatre principales sources. Donc, de Claude B. Auguste et Marcel Auguste, deux historiens d'origine haïtienne. Donc, l'ouvrage « Pour le drapeau, contribution à la recherche sur les couleurs haïtiennes ». De Marcel B. Auguste, « La République d'Haïti et la Deuxième Guerre mondiale ». De Jean-Claude Dorsainville, « L'histoire d'Haïti », celle qu'on apprend à l'école. Et de Victor-Emmanuel Roberto Wilson, « Simon Bolivar, vu par un citoyen du Québec ». Il va sans dire que toute erreur ou omission n'est imputable qu'à moi. Est-ce que je parle trop vite ou est-ce que ça va? Ça va. Ça va. Bon, j'espère. Débarquant dans l'île le 6 décembre 1492, Christophe Colomb y trouve un peuple pacifique qui lui offrit spontanément l'hospitalité. Ce peuple, bientôt asservi au travail forcé dans les mines d'or et les plantations, et de plus affaibli par les maladies vénériennes apportées d'Europe, allait finir par disparaître. Pour suppléer à la main-d'œuvre de plus en plus déficiente, les colons espagnols suggérèrent de faire venir des Noirs d'Afrique, ce qu'on a appelé la traite des nègres. Qu'on me permette une citation de Roberto Wilson. L'esclavage des Africains n'était pas une idée nouvelle. Le Portugal le pratiquait dans ses colonies et l'Espagne, sous la domination des Maures, en avait fait autant. Charles Quint permit donc l'envoi d'esclaves nègres à Hispaniola en 1503 sous le gouverneur Nicolas de Ovando, mais la traite fut suspendue quelques années après, les Espagnols accusant les Noirs de pervertir les Indiens et de les inciter à la révolte. Le trafic infâme reprit en 1517 à la suite de la suggestion du moine dominicain Las Casas, qui mérita le titre de protecteur des Indiens. Et c'est un fait assez remarquable parce que Las Casas a voulu protéger les Indiens et a lui-même suggéré qu'on fasse venir les Noirs d'Afrique. Et c'est pour ça, par exemple, au Mexique, on va vous parler de Las Casas avec admiration, alors qu'en Haïti, ce n'est pas du tout la perception qu'on en a. En 1586, l'esclavage perdure à Hispaniola et des aventuriers anglais et français de tout acabit, pirates, corsaires et flibustiers, écument la mer des Antilles. L'anglais Francis Drake, le futur amiral, rançonne les Espagnols et bombarde la ville de Santo Domingo. La situation se calme un peu vers 1625. Des boucaniers français s'établirent sur la petite île de la Tortue et au fil des ans se répandirent dans la partie occidentale d'Hispaniola et rebaptisèrent la nouvelle colonie Saint-Domingue. C'est là qu'ils fondèrent Port-au-Prince, dans le golfe de la Gonâve, en 1649. En 1697, par le traité de Ryswick... Est-ce que tu viens de dire que c'est des boucaniers qui ont fondé Port-au-Prince? Ben oui, un front ou autre. Ah, ah oui. Et en fait, disons qu'ils survivaient par la boucane, si l'on peut dire. Mais ils devaient forcément être des chasseurs, pour pouvoir boucaner au moins. Ouais, quelque chose à boucaner, etc. Donc... Mais c'était des aventuriers de tout acabit. On imagine la situation à l'époque. C'est par le traité de Ryswick, donc en 1697, que l'Espagne cède officiellement à la France la partie occidentale de l'île. De 1750 à 1789, nous dit Wilson, Saint-Domingue reçut jusqu'à 30 000 Noirs par an et, à cette époque, la valeur des exportations de cette colonie française dépassait celle des États-Unis. Alors, de fréquentes insurrections marquaient la période coloniale, mais on peut dire que c'est à partir du 14 août 1791 que la révolte prit un tournant décisif à ce qu'on appelle la cérémonie du bois caïman. Alors, un certain Bookman, d'origine jamaïcaine, il était un prêtre vaudou, donc un Hunga, a organisé cette cérémonie et tous les Noirs présents jurèrent de combattre l'esclavage, de vivre libre ou de mourir en buvant le sang d'un cochon qu'ils venaient d'égorger. Donc, les sacrifices de ce genre, évidemment, ça, fait partie de l'histoire de l'humanité. On en retrouve partout en Europe comme en Amérique. Alors, le 22 août 1791 éclate l'insurrection des esclaves du Nord, puis ce furent celles de l'Ouest et du Sud. Voici ce qu'en dit d'Orsainville dans son histoire d'Haïti. Toussaint-Domingue était à feu et à sang quand la première commission civile, chargée de rétablir la paix à tout prix, débarqua au Cap, dans le nord du pays, à la fin de novembre 1791. On situe à cette époque, novembre 1791, la participation active d'une figure marquante de notre indépendance. François-Dominique Toussaint surnommé Toussaint l'Ouverture, en raison de son habileté à ouvrir les rangs de l'ennemi. Son nom vient de là. Mais c'était un militaire, un général napoléonien. Et par la suite, oui, en fait, au début, bon, il combattait avec les autres, il était général, et puis les Français l'ont trahi par la suite. C'est fait toute une histoire. Alors justement, c'est le général Leclerc qui a conclu avec lui une trêve. Donc Toussaint, de bonne foi, sera à une réunion. Et là, on lui saute dessus, on l'attache, on le tabasse comme il faut et on l'envoie en France. Et on le laisse mourir dans un cachot au fort de Joux, en France. Mort de faim, d'humidité, de fatigue, etc. C'est à lui que fait allusion Kunta Kinte dans le roman Roots, Racine, de Alex Ellé. Dans les environs de Paris, entre autres, des lycées, des gymnases et différents établissements portent le nom de Toussaint l'Ouverture. En septembre 2007, je crois, la 54e rue à Miami a été rebaptisée boulevard Toussaint l'Ouverture. À Québec, il y en avait une aussi. Oui, oui, j'y arrive. Alors, à Montréal, en 2004, la Société Saint-Jean-Baptiste et l'association Présence à partager ont demandé au maire, c'était qui, Gérald Tremblay, de nommer un parc ou une avenue au nom de Toussaint l'Ouverture. Ça a pris du temps, donc ça a pris 2 ans. C'est ça. Mais finalement, ça a été fait. Et donc, le parc Toussaint l'Ouverture existe bel et bien à Montréal. Et à Québec, nous avons dans le parc de l'Amérique latine une statue de Toussaint l'Ouverture qui a été inaugurée justement il y a 2 ou 3 ans. Et en France, c'est pareil, des écoles, des lycées, enfin, un peu partout dans le monde, on rend hommage à ce personnage. Et ce que j'ai trouvé extraordinaire, malgré les conflits qu'il y a eu, si vous voulez, entre l'histoire de Toussaint l'Ouverture et la France, et certains sont toujours restés proches d'Haïti, proches de la cause des Noirs, à tel point qu'Alphonse de Lamartine, celui-là que vous connaissez, a dit de Toussaint l'Ouverture, cet homme est une nation. Dans une pièce qu'il a consacrée à Toussaint l'Ouverture, justement. Un poème ? Une pièce de théâtre. Oui, consacrée à Toussaint l'Ouverture. Donc ça veut dire que la résonance du bonhomme est assez exceptionnelle. Une petite parenthèse, si vous permettez. Je ne veux pas critiquer les journalistes, en tout cas pas tous, mais une chose m'avait agacé. Lors justement de l'inauguration de la statue de Toussaint l'Ouverture à Québec, il y a eu un article dans Le Soleil. C'est très bien qu'il l'ait fait. Mais le journaliste ne s'est pas renseigné. Parce qu'il a présenté Toussaint l'Ouverture comme étant seulement le héros d'Haïti. Alors avec toutes ces résonances-là, je pense que j'ai pu voir que c'est un bonhomme considéré comme un héros universel. Donc c'est peut-être une négligence, si vous voulez, peut-être une expérience, etc. Et il y a quelques années, à Sainte-Foy, il y a une rue qui s'appelait la rue L'Ouverture, pas loin de chez moi, perpendiculaire à la route de l'église. Je ne sais pas pourquoi, tout à coup ça a disparu. Ils l'ont remplacé par rue Toussaint Dussault. Ouais, alors, je ne comprends pas, mais en tout cas, c'est ça. Alors, un fonctionnaire inculte. Ça arrive, hein. Qui s'est emmêlé dans ses pinceaux. Mais c'est probablement. Pour ouais. Québec solidaire, ça. Oui, c'est ça, je me suis trompée. Mais bonne fin de rendez-vous. Et à bord du vaisseau qui l'amenait en France, Toussaint l'Ouverture avait prédit que les racines de la liberté étaient profondes et vivaces et qu'elles renaîtraient tôt ou tard. Cinq mois plus tard, après la déportation de Toussaint, sa prédiction se réalisait. les armées françaises furent définitivement battues à Vertières et l'indépendance proclamée le 1er janvier 1804, l'île retrouvant dès lors son nom Arawak, Haïti. Petite parenthèse, c'est qu'une chose qui m'agace depuis quelques années, je ne sais pas d'où ça vient, c'est que beaucoup de manuels de guides touristiques parlent de l'île d'Hispaniola, parce qu'ils ne veulent plus dire l'île d'Haïti. Il y a même quelqu'un, qui, c'était un moment, qui a dit l'île de Santo Domingo. Alors c'est comme si on veut renier, même venir à ce pays, même son nom, si vous voulez, à cette île, etc. Mais nous en reparlerons, parce que après cette présentation plutôt formelle, on parlera un petit peu plus librement de certains aspects plus contemporains. Alors, pour citer encore Roberto Wilson, il disait justement à propos de la prédiction de Toussaint Louverture, « Ses racines profondes et nombreuses se manifestèrent à la personne du général Alexandre Pétion et celle du général Jean-Jacques Dessalines, couronné empereur d'Haïti le 6 octobre. Quelques années auparavant, en juillet 1795, l'Espagne avait cédé la partie orientale de la France, à la France, traité de Bâle en 1795, et quelques Français s'y trouvaient encore réfugiés au moment de l'indépendance proclamée dans la partie occidentale. Dessalines investit Santo Domingo, mais dut regagner Port-au-Prince, menacé par une flotte française. 2 ans plus tard, il périssait dans une embuscade tendue par, non pas ses ennemis français, mais par ses rivaux politiques. Ses héritiers politiques, donc Alexandre Pétion et Henri Christophe, ne parvenant pas à s'entendre sur le partage des pouvoirs, Christophe se réfugia au Cap-Haïtien et y organisa l'État du Nord, tandis que Pétion était élu président de ce qui restait du schisme, à savoir l'État du Sud. Henri Christophe, qui s'était proclamé roi sous le nom de Henri Ier, se suicida le 8 octobre 1820. On lui doit l'imposante citadelle La Ferrière et le palais de Sanssouci. Et là, j'aborde la question des répercussions et filiations de la révolution haïtienne. Mais comme je n'avais pas prévu cela dans mon papier, je vais vous signaler, entre autres, qu'on a eu des... Je dis « on », je parle de cette période révolutionnaire en Haïti. Il y a eu des sympathisants un peu partout, notamment des Polonais. D'ailleurs, c'était le sujet de la thèse de Michel. C'est des Polonais ont abandonné les armées françaises dont ils faisaient partie et se sont ralliés à la cause haïtienne. Et ce qui se fait qu'on a encore beaucoup de descendants, on a beaucoup de descendants polonais à l'Haïti, des Dombrowski, etc. Donc vous voyez des noirs ou des semi-noirs aux yeux bleus et un peu blonds ou roux, etc. Donc il y a une descendance qui est là. Et ces gens se revendiquent la citoyenneté haïtienne parce qu'ils sont haïtiens. Et il y a eu un film réalisé par Michel comment déjà? Pierre-Charles. Michel Pierre-Charles, un haïtien. C'est un film justement sur cette présence-là. Il s'est inspiré de la thèse de Michel, ma conjointe. Et on a amené des descendants polonais en Pologne, rencontrer, si on peut dire, leur famille, des gens qu'ils ne connaissaient pas du tout. Donc c'était assez touchant et émouvant comme situation. Donc, cette parenthèse pour vous montrer que la cause haïtienne avait eu des résonances un peu partout. Il n'y avait pas, dans la Constitution, la première Constitution haïtienne, une remarque particulière qui disait que, bon, tous les Noirs et les Mulâtres étaient citoyens d'Haïti, mais aussi les Polonais. Oui, ça, vous avez raison. Il y avait deux exceptions. Ouais. Il y avait les soldats, c'était tous des hommes. Oui. Polonais, puis des Allemands, donc qui ont un statut spécial consigné dans la première constitution d'Haïti, qui les reconnaît parce qu'ils chassaient tous les Blancs, sauf les Polonais et les Allemands. C'est ça. Alors, il y avait vraiment un statut particulier. Particulier, mais oui. Et, à la Révolution française, Haïti fait partie de la couronne française. Il n'y a pas une abolition, un épisode où on abolit l'esclavage. Ça touche la Guadeloupe, la Martinique aussi. Non. Puis après ça, Napoléon l'a rétabli parce que ça coûtait trop cher de l'abolir. Non. Ils n'ont jamais pensé abolir l'esclavage. Non, ils n'ont jamais pensé. Ils n'ont jamais pensé. En fait, disons que Haïti a eu la première nation noire à avoir pris son indépendance. On ne lui a pas donné. Et dans certains ouvrages français, On vous dit par exemple que on a accordé l'indépendance à Haïti, c'est pas du tout ça. Haïti a pris son indépendance. Et ce qui est malheureux, j'en parlais un petit peu vrai, c'est que la France lui a fait payer très cher. Oui, jusqu'à quand, à peu près? Jusqu'à quand, disons, que Haïti a payé? Ça a été, en tout cas au moins pendant jusqu'au 19e siècle. Pendant 75 ans, je pense. Oui, mais c'est une réduction de part. 75 ans, Haïti devait payer à la France le rachat des hectares. Mais un peu plus longtemps que ça, mais en tout cas, on va y arriver. Alors, Alexandre Pétion assurera la présidence de la République pendant 3 mandats, soit du 9 mars 1807 au 29 mars 1818. C'est au cours de son règne et grâce à son intervention directe qu'allait se dessiner l'avenir des principaux États constituant de nos jours l'Amérique latine. Le drapeau vénézuélien fut créé en Haïti, précisément dans la ville de Jacmel, sud-est de l'île. Le 19 décembre 1815, Alexandre Pétion reçut une lettre de Simon Bolivar, alors exilé à la Jamaïque. Certains auteurs laissent entendre que l'Angleterre, par exemple, est venue en aide à Bolivar. Voici ce qu'écrit lui-même le Libertador à ce sujet. « Nous fûmes abandonnés par le monde entier. Aucune nation étrangère ne nous a guidés ou défendus en nous donnant des armes. Tous les recours militaires et politiques qui nous furent refusés ont été accordés avec profusion à nos ennemis. » Cette lettre a été reproduite en entier dans le livre « Pétion et Bolivar » de l'historien Paul Vernat. En désespoir de cause, Bolivar se tourne donc vers la jeune République noire qui avait proclamé son indépendance 11 ans plus tôt. Non pas par hasard. Plusieurs familles fuyant le Venezuela et la Nouvelle-Grenade avaient trouvé refuge en Haïti. Par la suite, 400 autres réfugiés en provenance de Carthagène devaient débarquer au Caï dans le sud au début de l'année suivante, 1816. Simon Bolivar avait été mis au courant de l'accueil chaleureux et de l'aide financière dont ses familles avaient spontanément bénéficié. Bien avant, c'est-à-dire en 1806, Francisco Miranda avait vécu à Jacmel après avoir séjourné en Europe, aux États-Unis et à Trinidad. C'est à Jacmel qu'il avait conçu le drapeau qui devint celui de la Grande-Colombie et dont allaient être, entre autres, ceux du Pérou et de la Bolivie. Simon Bolivar mit pied sur le sol haïtien le 24 décembre 1815. Une importante délégation l'attendait, composée de dignitaires, de notables, en plus de réfugiés sympathiques à sa cause et dirigée par le colonel Duran, exilé de la Nouvelle-Grenade. C'est le 31 décembre que Simon Bolivar se rend dans la capitale haïtienne, Port-au-Prince, pour y rencontrer le président Alexandre Pétion. Plusieurs réfugiés vénézuéliens résidaient déjà à Port-au-Prince, notamment la famille Soublette, dont un membre, le général Carlos Soublette, sera élu président du Venezuela en 1843. Mais revenons à la première rencontre de nos deux personnages, Pétion et Bolivar. Elle a lieu à l'hôtel du gouvernement le 2 janvier 1816, donc le lendemain de l'anniversaire de l'indépendance. Leur conversation porte d'abord sur divers sujets, la peinture et les grands hommes de l'Antiquité, avant d'en arriver à l'essentiel, l'aide que vient chercher le futur Libertador auprès de Pétion. Mis au courant de la situation, le premier geste de Pétion sera de suspendre toutes ses relations commerciales, pourtant lucratives, avec Carthagène, qui venait de tomber aux mains des forces royalistes de Pablo Morillo. Cela se passe à un moment où aucun pays ne veut encore reconnaître l'indépendance d'Haïti, surtout pas les États-Unis, où sévissait encore l'esclavage. Et c'est un très mauvais exemple. Et l'esclavage a été aboli aux États-Unis en 1865. Suivirent d'autres décisions du président Alexandre Pétion. C'est ainsi que Bolivar put lever une expédition navale grâce à un don d'armes et de munitions suffisant pour équiper 6000 hommes, plus un bataillon d'environ 300 soldats. Deux fois vaincu mais toujours déterminé, Simon Bolivar revient en Haïti, s'excusant de frapper encore à cette porte. Mais c'était la seule qu'on lui ouvrait volontiers. À sa troisième visite, un peu ébranlé par ses échecs, il reçut ce mot d'encouragement de Pétion. Si la fortune vous a abandonné par deux fois, qui sait si elle ne vous sera pas favorable la troisième fois? Pour ma part, j'en ai le pressentiment. C'est cité et rapporté par Roberto Wilson. Ainsi commence en cette année 1816 la série de victoires qui allait conduire à l'indépendance de la Grande-Colombie. La prise de Margarita notamment, encore commandée par Morillo, jusqu'à l'annexion de la Nouvelle-Grenade au Venezuela sous le nom de Grande-Colombie justement. Dans Haïti, première république noire du Nouveau Monde, l'historien Raymond A. Moïse rapporte ce bout de dialogue qu'on retrouve dans plusieurs sources et dans plusieurs sites internet. Bolivar demande « Dois-je faire savoir à la postérité que vous êtes le libérateur de ma patrie ?»« Non, » répond Pétion. « Promettez-moi seulement d'abolir l'esclavage partout où vous aurez triomphé. » Le libertador en fit la promesse et tint parole. Jusqu'à la fin de sa vie, il portera fermement l'épée que lui avait offerte Alexandre Pétion et il gardera toujours un médaillon à l'effigie d'un autre grand personnage qu'il adorait, George Washington. Un établissement d'enseignement porte en Haïti le nom de Simón Bolívar et une statue d'Alexandre Pétion rappelle à Caracas notre participation à l'indépendance de l'Amérique latine. Et pour conclure, j'ai une conclusion double. J'ai voulu montrer quels liens culturels et sociaux unissent depuis l'époque précolombienne différentes régions de cette partie de l'Amérique entre lesquelles il y avait une communauté d'intérêts, commerciaux ou autres. Cela n'aurait sans doute pas tiré à conséquence s'il ne s'y était ajouté une évolution historique semblable qui, on s'en doute, n'a pu que consolider ses rapports sur le plan de l'amitié et de la fraternité. Il y avait là aussi une communauté, celle des causes à défendre, c'est-à-dire celle de la justice et de la liberté. Avec les années qui ont suivi l'indépendance d'Haïti, puis celle des autres États d'Amérique latine, ces rapports n'ont pas cessé de se développer au-delà des différences, sur divers plans, culturels en général, linguistiques, littéraires, musicales, etc. On ne s'étonne plus dès lors qu'en cas de besoin, les premiers pays à se porter à la défense d'Haïti soient d'Amérique latine. Dans cette partie du monde, la reconnaissance est souvent une sorte de vocation. Un autre exemple, chaque année à Miami, les Colombiens, en fêtant l'indépendance de leur pays, honorent conjointement la mémoire d'Alexandre Pétion et de Simón Bolívar. Et pour mémoire, je rappellerai que lors de la fondation de l'OEA en 1945, le seul pays membre parlant français était Haïti. Le Canada n'est entré dans l'organisation que le 13 novembre 1989. Le français a été retenu comme langue officielle pour Haïti, un tout petit pays qui n'avait ni l'importance économique ni le poids démographique du Brésil. Je pense que le geste a son importance. La seconde partie de ma conclusion me jette carrément hors de mon sujet. Vous m'en excuserez, plusieurs faits d'importance concernant les années qui ont suivi l'indépendance d'Haïti semblent faire l'objet d'un tabou dans la presse étrangère. L'écrivain Jean Metellus, auteur notamment d'un ouvrage sur Toussaint Louverture, Les Cacos, résume cela en quelques mots. Le pays est entré dans l'histoire enchaîné, indépendant mais enchaîné. Alors, j'aborde un peu le sujet que vous aviez esquissé. Dès qu'il est question de la situation économique du pays, la presse officielle en profite pour évoquer la corruption. Non, dans ce domaine, tout au moins, nos gouvernements ne sont pas des pionniers et pas toujours des champions. Elle existe aussi chez nous, certes, mais elle n'excite pas tout. Voici ce qu'en dit Jean Metellus au cours d'une entrevue qu'il a accordée au professeur Jean-Marie Salien de Fort Hays University. Quand Bolivar a voulu fêter l'indépendance des États de l'Amérique latine, c'était en 1825, il a invité Haïti. Mais les Américains ont dit « Si jamais Haïti vient à cette réunion-là, nous ne serons pas là. » Nous ne serons pas là. C'est-à-dire que le pays est indépendant, mais son indépendance est contestée. En sorte qu'Haïti est entré dans l'histoire enchaînée et entouré de puissances tout à fait hostiles à cette indépendance. Haïti a inauguré l'indépendance du tiers-monde. C'est le premier État noir du monde, c'est le premier. Et ce caractère de pionnier qu'on lui conteste, il est en train de le payer. Durant tout le 19e siècle, il y a ce que Leslie Maniga appelle l'industrie des réclamations étrangères. Des commerçants de nationalité étrangère faisaient intervenir à la moindre occasion les forces navales de leur pays avec des demandes et des menaces sur le palais national en Haïti et dans l'obligation, et mettaient Haïti dans l'obligation de payer. Il y a eu plusieurs affaires de ce genre. Il y a l'affaire Luders. Petite parenthèse, Luders était un Allemand établi en Haïti et son chauffeur ou l'un de ses domestiques a été accusé de vol. Donc la police se présente chez Luders pour arrêter l'individu en question. Luders, donc l'Allemand, intervient et tabasse les policiers. Donc on l'arrête, il passe en cour, il est condamné. Le tribunal de cassation intervient, annule la condamnation. Un diplomate américain intervient, fait sortir Luders du pays, s'en va il part pour l'Allemagne. Et là, la flotte allemande débarque peu après en Haïti, prête à bombarder le palais national. Et on exige du président haïtien qu'il fasse des excuses, qu'il envoie une lettre d'excuses au gouvernement allemand et qu'il paie, imaginez l'époque, 30 000 dollars en dommages et intérêts. Donc c'est l'un des cas d'exploitation éhontée dont ce pays a été victime dès le début. Les indemnités, je reprends la citation, les indemnités que nous avons payées nous ont ruinés complètement. Durant tout le 19e siècle, Haïti a versé de l'argent à l'Allemagne, à la France, à l'Angleterre et aux États-Unis. Fin de la citation. Et c'est comme si vous cassiez la jambe à quelqu'un pour lui reprocher ensuite de boiter. S'il y a corruption ou mauvaise foi, où est-elle vraiment? Alors, je vous remercie de votre attention. Ça a fait moins d'une heure parce que j'ai parlé vite. Comme il reste du temps avant 8 heures, on va commencer tout de suite à se réchauffer avec des questions, des points d'éclaircissement. Mais oui, sûrement. Vous savez, sans doute que... Mais il y a quelques petits faits, j'ai pris des notes à part que je veux simplement vous signaler, c'est que... Bon, je ne qualifierai pas le bonhomme, mais M. Trump a dit quelque chose des pays africains et des haïtiens. Et, et vous savez qui lui a donné une très belle réplique? Le maire de Chicago qui a fait une intervention formidable en lui rappelant toute la participation des Haïtiens à la société américaine. Et il a même rappelé un événement que certains Haïtiens ignorent, c'est que lors de la guerre de l'indépendance américaine, des Haïtiens sont morts pour défendre les États-Unis. Il y a même une statue, en fait la guerre ça a eu lieu à Savannah, il y a eu même une statue qui a été érigée en leur mémoire. Donc, il y a des faits comme ça qui sont complètement ignorés. Autre chose. La ville de Chicago a été fondée par... Oui, a été fondée par un certain Desable d'origine haïtienne. Exactement. Chicago. Justement, oui. Le maire de Chicago l'a rappelé dans son intervention. Oui, donc mais ce sont des... Ce monsieur était pas... Il n'y avait pas une accointance québécoise ou... Je ne sais pas. Ben, il était passé par la vallée du Saint-Laurent. Oui. Il y avait rencontré c'est Jean-Baptiste des Sables, mais oui. Ouais. Qui parlait français, ah, oui. qui était noir, mais le Québec revendiqué. Oh, oui. Passer la glace. Sur le toit, ouais. Ça tombe de partout. Mais vous savez, c'est que. qu'il parle français, ça se comprend. Qu'il parle français, ça se comprend parce qu'il y a deux jeunes haïtiennes. Mais vous savez, parce que dans le Webster, notamment, on parle de Desables, on dit d'origine haïtienne, mais il ne précise pas qu'il y ait des rapports avec le Québec. Okay. C'est peut-être un manque aussi. Hein, ouais. J'ai l'impression que que l'impression que vu qu'il parle français, il doit avoir fréquenté le Québec. Et puis c'est un homme considérable dans le sens que c'est un homme d'affaires. Qui avait réussi, il vendait des chevaux, des fournitures militaires, des fusils, tout ce qu'il faut pour vivre. C'était un homme considérable. Et puis le lieu où il s'est établi, c'est devenu Chicago. Oui. Et puis on a revendiqué. Comme on ne fait pas ce que l'on a fait à Haïti, c'est-à-dire en niant. Le fait que les Haïtiens ont leur pays, possèdent leur pays, leur loi. Lui était là, puis c'était défendable. C'était quelqu'un à qui on ne peut pas enlever le statut qu'il s'est construit. Et par cela, on connaît tous les Québécois qui ont fondé des villes aux États-Unis. Du lutte, des moines, tout ça. Il faisait partie de ce gang-là. Oui. Mais vous savez, les grandes puissances coloniales, ont la rancune tenace. Je vais vous rapporter un petit fait. Roberto Wilson, qui a vécu à Québec très longtemps, d'ailleurs, c'est une des personnalités marquantes, si vous voulez, parmi les Haïtiens. Parce que vous savez qu'il est l'un des pionniers de la bande dessinée québécoise. Et lors d'une exposition sur la bande dessinée, on avait publié un article sur lui, etc. Mais ce que je veux dire, Roberto Wilson, à un certain moment, était à Paris. Et là, un historien français bien connu lance un ouvrage sur l'histoire de la France et de ses colonies, etc. Alors, Roberto s'empresse de lire le bouquin et il s'en va rencontrer l'historien lors d'une soirée. Et à un certain moment, il lui dit, mais comment se fait-il que vous n'ayez pas mentionné Haïti? Vous savez ce que l'autre a répondu? Mm-hmm. Je lui dis, ben, vous avez pris votre indépendance. Oh. Oui, donc on fait, c'est le blackout là-dessus, c'est le blackout. Je voulais signaler autre chose, c'est que je ne nie pas le fait que nous ayons eu plusieurs présidents incompétents, et tout ça, mais ça arrive dans tous les pays du monde. Et, par contre, il y a une chose, c'est que on se demande qu'est-ce qui se passe vraiment. Il y a même une caricature que j'ai vue à un certain moment, c'était peut-être après le tremblement de terre de 2010. C'est un ange qui s'approche de Dieu, et lui dit, mais qu'est-ce que vous avez contre Haïti? Et n'arrêtez pas d'avoir des catastrophes. Et justement, la semaine dernière, le marché en fer en Haïti a brûlé. Un marché qui date de, je ne sais pas quel, peut-être du 19e siècle et tout. Puis toutes les marchandes qui étaient là ont tout perdu, de pauvres malheureuses et tout. Donc, il y a une série de choses. Alors, pour parler du tremblement de terre de 2010, il y a pas mal de scandales qui commencent à sortir. Et certains personnages sont tellement importants sur le plan international qu'on n'a pas osé mentionner leur nom. Mais certains ont détourné carrément les fonds. Il y a même un article du Courrier international intitulé « Où diable est passé l'argent de la reconstruction ?» Alors quand les journalistes disent « Ben oui, ils ont reçu l'argent, ils ne construisent pas. » Allez savoir où est l'argent. Et c'est peut-être même pas 10% de cette somme qui sont arrivés en Haïti. Certains se sont enrichis, et ouvertement. Ensuite, pendant cette période soi-disant de reconstruction, la MINUSTAH, donc une mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, vous savez ce qu'ils ont fait? Ce n'est pas une légende urbaine, ça a été filmé. Les eaux, les toilettes, etc., ils les ont versées directement dans les sources, les cours d'eau où les gens boivent. Et ça a déclenché l'épidémie de choléra. C'est ça. Oui, mais c'est incroyable. Ils ont fait quelque chose de semblable en Afrique récemment. Et là, cette semaine, la nouvelle, c'est que Oxfam, scandale sexuel sur de jeunes prostituées en Haïti après le tremblement de terre. Vous voyez? Donc, on dirait que, est-ce que c'est le sort ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui s'acharne sur ce pays-là? Donc, quand on dit qu'il a du mal à se relever, ce n'est pas seulement la faute de gens incompétents, mais il y a aussi des causes extérieures. Et malheureusement, ces causes extérieures, on n'ose pas toujours les éclairer. Il y a tout un scandale qui n'a pas éclaté. Pour glisser un mot rapidement, si vous savez de qui il s'agit, tant mieux, mais je ne nommerai personne, c'est qu'il y a eu un grave cas de pédophilie, un réseau de pédophilie en Haïti. Il devait avoir un procès. Celui qui allait témoigner, comme par hasard, on l'a trouvé suicidé dans son appartement. Et c'était le seul qui pouvait apporter des arguments de poids, etc. Vous voyez, donc il y a une série de cas semblables qu'on met de côté, dont on oublie de... Comment dire, qu'on oublie d'éclaircir totalement. Donc, ce pays a vécu bien des problèmes et tout ce que nous souhaitons, c'est que ça se règle au plus vite dans tous les domaines. Dans le cas que vous citiez, ce que vous dites, c'était un suicide organisé. Eh oui. Ah ben oui. On l'a suicidé. Le bonhomme était en parfaite santé, donc c'est ça. Et un détail aussi à vous rappeler, c'est que de 1915 à 1934, du mois d'août 1915 à juillet 1934, les Américains ont débarqué en Haïti sous un prétexte farfelu, tellement farfelu que je ne me rappelle plus tellement lequel. Est-ce que c'était pour lutter contre la superstition, le vaudou, je ne sais pas trop quoi. Bref, ils ont occupé le pays pendant une trentaine d'années. Et il y a eu des viols dans les campagnes, il y a eu toutes sortes de choses comme ça, mais il ne fallait pas en parler. Donc... Ça aurait fâché Washington. On n'en parlait pas. Mais il y a eu des groupes de résistants qu'on a surnommés les cacos. Il y a eu des textes, il y a même eu un roman qui s'appelle Les Cacos qui raconte un peu l'histoire de ces résistants. des résistants comme il en existe partout. On a eu en Europe pendant l'occupation allemande, on a eu même plus récemment les FARC, quoi que ce ne soit pas tout à fait la même cause, mais il y a toujours des groupes de résistants, et c'est souvent tant mieux. Et pour terminer, parce qu'on va aborder la question d'Haïti actuellement, je vais vous citer quelques personnages marquants de la communauté haïtienne. Yvette Bonny, pédiatre hématologue, professeure québécoise d'université à la retraite, elle est née en Haïti. Elle fait partie des premiers contingents haïtiens à aller se perfectionner en médecine au Québec. Elle décide de rester à cause du climat politique en Haïti. Elle a réalisé la première greffe de moelle osseuse chez un enfant au Québec. Ouais. Alors, à part ça, on a Roberto Wilson, que je vous ai cité tout à l'heure. On peut parler de Beyoncé, dont la mère est haïtienne. Locke Merville, d'origine haïtienne. Raoul Peck, le cinéaste bien connu, qui est établi en France, d'origine haïtienne. Gabrielle Union, qu'on voit dans beaucoup de films américains, est haïtienne d'origine. Et Bruni Surin, que vous connaissez. Et puis, il y a quand même beaucoup d'autres. Dany Laferrière, membre de l'Académie française, etc. Donc, les Haïtiens se sont illustrés en Haïti, mais aussi à l'extérieur. Et pour terminer, je pourrais vous donner l'exemple de Rodney Saint-Éloi, qui est un haïtien qui a étudié au Québec, qui a fondé d'abord les éditions Mémoire, devenue Mémoire d'Encrier, qui a commencé par publier des Haïtiens, qui a publié ensuite des Québécois, qui maintenant publie des Amérindiens, Amérindiennes, des Français, des gens de toute origine. Une primeur, l'un des prochains bouquins apparaît chez lui, est une traduction en Wolof. Un ouvrage traduit en Wolof qu'il va. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est un haïtien qui s'illustre à sa façon dans son domaine. Donc, je crois que quand certains animateurs de Radio Poubelle jettent leur venin sur notamment les haïtiens, je crois qu'ils ne se renseignent pas. Et ils doivent savoir que dans toute population, quelle que soit, il y a du mauvais, c'est sûr, mais il y a aussi du bon. Et tant mieux quand le bon surpasse le mauvais. Donc, merci de votre attention. Alors, libre à vous d'intervenir. Il y a Mme Anglade qui est ministre. Ah ben oui, c'est vrai, j'ai oublié. Oui, la gouverneure générale du Canada. Michael Jean, mais ça. Michael Jean, ils sont quand même. On peut pas dire qu'ils ont pris les dernières places. Quand non, même. C'est ça, elle est à la francophonie actuellement. Oui, mais au poste. Arcade Fire. Oui, Arcade Fire, mais oui. Avec Régine Chassaigne. Régine Laurent, la fille. Oui, il y en a beaucoup. Oh. Puis Alex Renaud. Oui, vous allez dire quelque chose? Question, oui. Oui, moi j'en ai une. Vous avez parlé tantôt au début que vous parleriez un petit peu du drapeau d'Haïti. L'Union fait la force. Oui, c'est la devise. C'est que le drapeau haïtien a été créé à partir du drapeau français. Ils ont enlevé le blanc pour garder le bleu et le rouge. Okay. Le blanc qui symbolisait justement la France. Les colonisateurs. Blanc, bleu, rouge. C'était bleu, blanc, rouge. Et puis on a enlevé le blanc, on a gardé le bleu et le rouge. C'est ça. Okay. Ouais, ça. Mais j'ai parlé aussi du drapeau vénézuélien, en fait de la Grande Colombie, qui a été créé à Jacmel par Miranda. C'est quand il est devenu noir et rouge? Duvalier. C'est Duvalier, c'est sûr. Ah oui, c'est sûr. C'est pour ça qu'on l'a enlevé après, puis on avait mis le bleu. On a remis après. Excusez. Vous n'avez pas parlé de Saint-Domingue? C'est une île. C'est séparé en deux. Oui, c'est que, j'avais signalé, c'est que les Espagnols étaient là d'abord. Ouais. Et quand les Français sont arrivés, il y a eu conflit. Ouais. Et finalement, l'Espagne a cédé la partie occidentale à la France. C'est arrivé quand, ça? Ouh, j'ai noté la date. 1640. Fondation. Oui, à peu près. Parce que l'Espagne avait immensément de territoire jusqu'aux Philippines. Il n'y avait pas de monde pour peupler tu sais, tout ça. Là, et ouais. C'était pas rempli. C'était grand. C'est quoi la population d'Haïti? Actuellement, je ne veux pas me tromper, c'est peut-être 10 millions, mais je ne sais pas si vous avez une idée. La population actuelle d'Haïti. Oh, c'est 11 millions. C'est 11 millions. 11 millions, oui. À quel moment on demande le dernier recensement? Ça, c'est une bonne question. Mais ils sont en train de travailler pour un recensement. Ouais. Ouais. Ah, oui, c'est un travail qui se fait avec USAID pour recenser, cadastrer, faire c'est des choses de ce genre en Haïti. Pour et regrouper, pour finir par trouver le nombre de personnes. Est-ce que les... Oh. Oui, Jean, pour... Mais c'est ça sur... Concernant la, la ben j'ai vu hein, ou j'ai lu je sais plus si je l'ai entendu ou je l'ai lu mais en tout cas que il y a beaucoup de populations noires qui a été amenée, ça doit être les Américains qui ont fait ça, d'Haïti vers Cuba pour les faire dans les années 30, 1930, pour les faire travailler dans les cannes à sucre, les plantations de cannes à sucre américaines et la République dominicaine. Mais oui, les batailles, mais c'est parce que je veux dire ceux qui ont été amenés à Cuba pour travailler, ils ont été chanceux finalement. Ils sont devenus cubains, ils sont membres à part entière. Il y en a qui sont allés volontairement, spontanément. Mais vous savez, c'est qu'en Amérique latine, en général, les Haïtiens sont bien accueillis. Quoique dans certains pays d'Amérique latine, depuis peut-être 5-6 ans, il y a des petits conflits. Parce qu'il y a des migrants, et puis bon, il y a quelques problèmes. Mais en général, sur le plan... Même en Argentine? Mais oui. Justement, ça c'est un cas particulier, justement, ouais. Si vous voulez, dans certains avis, mais au Chili aussi. Quand donc, on rentre en Argentine, on reste surpris que le monde est blanc tout d'un coup. Oui, c'est ça. Donc, il y a certains pays, où ce problème existe. Mais n'oubliez pas que l'Argentine a toujours été considérée comme l'Europe d'Amérique. C'est ça. Donc, plusieurs latino-américains n'aiment pas beaucoup les Argentins. Ils disent qu'ils sont prétentieux, ils parlent avec l'accent de Castille, etc. Donc, toujours des petits conflits comme ça. Mais en général, si vous prenez le cas du Venezuela, et si vous prenez le cas de Cuba, un Haïtien à Cuba bon, est toujours bien accueilli. Si vous êtes des Haïtiens, là, ah bon, Haïti, et tout, ils vous citent quelques noms de héros haïtiens. Donc, c'est assez général, de toute façon. Il y a cette reconnaissance là, qui est transmise, une reconnaissance historique. Est-ce qu'avec les nouvelles générations, ça va perdurer? Je l'ignore. Oui. Vas-y. Il y avait des mains avant, je ne sais pas. Mais c'est juste, en tout cas, peut-être juste faire attention s'il y a d'autres gens qui peuvent parler, qui ont des parler. Ouais. C'est juste, tu peux parler, mais ça fait plusieurs fois. C'est juste vérifier s'il y avait des personnes. Il y a personne. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées? Moi. Bon. Oui. Ouais. Il y a des Africains qui sont allés au Congo aussi, Congo-Kinshasa, des Haïtiens plutôt, on est connus qui étaient à Kinshasa, qui étaient là. Je pense qu'ils ont joué un rôle assez important là-bas. Oui, en fait, ça dépend de quelle année vous parlez. Si vous prenez le cas des années 1960-1970, alors je peux vous dire qu'entre autres, il y a eu plusieurs Haïtiens qui sont allés enseigner, notamment au Sénégal. Et certains y sont restés, certains y sont morts, d'autres sont partis pour la France ou autre, etc. Entre autres, il y avait un metteur en scène bien connu en Haïti et une comédienne, Jacqueline, ça m'échappe, hein, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors d'un voyage au Sénégal. Ils étaient allés là pour enseigner et ils y sont restés. Donc il y a eu beaucoup, pas le mythe je dirais, mais il y a eu cette idée qui ont véhiculé en Haïti pendant plusieurs années, l'alma mater, la mère Afrique, etc. Les gens rêvaient d'y aller, de retrouver les racines et tout. Et ça existait aussi dans d'autres pays à dominante noire, et à tel point que la romancière Marie Scondé, dans son roman Rima Conan, raconte l'histoire d'un bonhomme déçu, ou d'une femme qui décide de retrouver les ancêtres africains, s'en va là-bas, et puis est complètement déçue, ça n'avait rien à voir avec l'Afrique qu'elle avait imaginée, etc. Donc, il y a toujours cette quête d'identité, cette quête des racines. Ça, c'est humain. C'est un peu le drame du Libéria aussi. Oui, Le Libéria, ça a été fondé par les Américains. C'est ça. Bon, les pays fondés artificiellement ont souvent des problèmes de toutes sortes. De toute façon, la plupart des États africains, sinon tous, ont été presque fondés par les colons, parce qu'ils ont bousillé la géographie, et ça a créé des conflits et toutes sortes de choses. Yalta, c'est le mot de l'Afrique. Pour dessiner les frontières. Mais oui. Ça va, il y a deux. On a Fernand. Toi, tu veux te parler? Oui, je l'ai marqué. Après, Fernand, c'est Francine. Non, c'est Fernand, Francine, Renard, Yves. Alors. Fernand. Vous avez parlé de Toussaint Louverture, de Pétion et de Christophe. Dessalines. Henri Christophe et de Jean-Jacques Dessalines. Ouais. Ce sont tous des gens qui ont participé à la guerre de l'indépendance d'une façon ou d'une autre. Ouais, c'était des anciens esclaves, je pense. Oui, c'est ça qui sont sortis des rangs, distinguant par leur bravoure, leur fierté, etc. Mais vous n'avez pas parlé beaucoup de Dessalines, il a été assez cruel, ben, il semblerait. Bon, ça c'est... Porter un jugement sur les hommes politiques, vous savez, c'est toujours très difficile parce que les deux, ça dépend de qui a rédigé le document. Mais ce que je vais vous dire surtout, c'est que j'ai parlé surtout de Pétion parce que le sujet, c'était Haïti, l'indépendance d'Amérique latine. C'est Pétion qui a joué un rôle déterminant. Et Toussaint Louverture, en raison de son importance universelle. Donc, Jean-Jacques Dessalines, ce n'était pas vraiment le cadre vraiment pour en parler beaucoup, ni d'Henri Christophe. Ça répond. D'accord. Francine. Oui. Ben, au risque d'avoir l'air hors sujet, je voudrais quand même avoir une petite précision sur Jean-Claude Duvalier. Lui me semble que... Est-ce qu'il n'était pas soutenu par la France? Pas exactement. Je vais un peu sortir du sujet aussi. Dans tous les petits pays, surtout les petits pays d'Amérique latine, d'Amérique centrale, en fait, etc., les Américains sont toujours aux aguets. Bon, évidemment, c'est une paranoïa connue, mais là, c'est que ces pays en souffrent. Duvalier était soutenu, le père, le dictateur sanguinaire, était soutenu par les Américains. Parce que, mais il avait pas été élu démocratiquement avant. Oui, parce qu'il y avait quand même une bonne presse au départ. Là. Il était aimé. Mais ce que je veux surtout dire, c'est pas que la façon dont il a été élu, mais c'est pendant son règne. Il y a eu toutes sortes de crimes et de meurtres. Et ça, notez qu'il y a eu des crimes et des meurtres aussi sous le précédent Paul Magloire. En fait, pas immédiatement précédent. Mais ce que je veux dire, c'est que quand un dictateur est de droite, les Américains le soutiennent toujours. Toujours, toujours, toujours. Alors, Duvalier, malgré tous ses crimes, etc., on n'osait pas dire que c'était un dictateur qui était sanguinaire. Et à un certain moment, les Américains, bon, on trouvait que ça leur coûtait cher, ont décidé de suspendre leur aide. Duvalier a organisé quelque chose de, je dirais, génial, même si c'était méchant. Il a fait une descente dans des petits groupes qui étaient un petit peu de gauche, mais pas dangereux, sous prétexte que c'était le communisme qui s'établissait en force. Et là, les Américains n'étaient pas dupes, mais ils ont quand même recommencé à fournir de l'argent. On a eu un président bien avant ça, qui s'appelait Dumarsais Estimé. Ce monsieur, à un certain moment, s'est rendu compte que les Américains ne voulaient rien céder, ils voulaient seulement exploiter. Il a décidé de prendre des moyens, de se mettre carrément contre l'attitude américaine. Et par hasard, il est mort empoisonné. Et donc, c'est le genre de choses qui se produit souvent dans ces pays-là. Oui. Donc, le père Duvalier tombe du pouvoir. Jean-Claude est élu, en fait c'est facile d'être élu parce que quand ton père te déclare président, etc. Mais c'est sûr que lui, pour se maintenir au pouvoir, a dû recourir à toutes sortes de moyens, comme son père aussi. Alors quand il a été chassé du pouvoir, on a découvert les fortunes dans sa maison, etc. Donc il est parti en France. Mais il avait beaucoup d'argent, donc la France l'a accueilli. Il a payé. Quand son argent a été fini, il s'est retrouvé dans la dèche. Et sa femme a profité pour divorcer avant et puis elle a foutu le camp avec l'argent. Bon, bref. elle s'est retrouvée. Bon, Alors là, ce qui arrive, c'est que il y a sa sœur, la sœur de Jean-Claude Duvalier, qui s'appelle Simone, J'ai l'impression qu'elle veut préparer son fils à la présidence. Parce qu'elle a, elle a récemment publié un article demandant où sont passés les vrais duvalieristes. Donc ça fait pas très longtemps. Donc ça fait même pas un mois que j'ai lu cet article-là. Donc, ce sont... Pardon Alex, en fait, pour Duvalier, pour certains Haïtiens, représentait une revanche des Noirs sur les mulâtres. Ça, c'est une excuse. Ça, c'est une excuse. C'est une belle excuse. Mais il y en a qui ont connu des Duvaliers. Mais oui, mais il y a deux cas aussi qu'il faut considérer. Si vous prenez certains Haïtiens actuellement à Montréal, des jeunes, si leurs parents étaient duvalieristes, eux n'ont pas connu le régime. Ils vont croire ce que leurs parents leur disent. Ils n'ont pas de mauvaise volonté. Il n'y a rien à faire. Ensuite, le prétexte de ce qu'on a appelé le noirisme, c'est un prétexte que souvent certains ont utilisé pour justifier certaines actions. Donc, quand ça va mal, s'il y a un mulâtre au pouvoir, on dit que c'est à cause des mulâtres. Si c'est un noir qui est au pouvoir, les mulâtres vont dire ça à cause du noir. Donc, en politique, c'est toujours comme ça. Mais les Américains ont joué là-dessus. Ah, évidemment, ils jouent toujours là-dessus. Ils jouent toujours là-dessus. Donc, ils ne se gênent pas pour intervenir. Vous savez, des choses qui m'ont choqué, je vais vous citer deux cas. Le cas haïtien, après le tremblement de terre, les Américains sont arrivés, ils ont procédé à des interventions, opérations et tout. Est-ce que vous savez qu'ils ont envoyé des factures après, les médecins américains, en Haïti? Ils ont envoyé des factures. Okay. Alors, l'autre cas que je vais vous citer, pour vous dire que ce n'est pas un hasard, l'autre cas que je vais vous citer remonte à plus loin. Après la Seconde Guerre mondiale, les deux villes japonaises détruites, qu'est-ce que les Américains ont fait? Ils ont envoyé des catalogues de matériaux de construction au Japon. Pour que les gens commandent. Oui, donc ça dépasse l'entendement. Donc c'est dire que c'est une logique du fric. C'est une logique de l'argent. Oui. Émilie, oui. Oui, il n'est pas là. Il est vas-y. Il prend son tour. Il n'est pas là. Il va son tour à toi. Mais la question où j'allais en venir, c'est que je me demande des fois si. Je ne connais pas beaucoup la situation d'Haïti, mais s'il n'y a pas des gens et certaines puissances mondiales qui profitent finalement de choses qui se passent en Haïti, de la corruption ou de catastrophes naturelles, faire une économie là-dessus. Je vais vous dire mieux que la corruption. Dans les années 70, les Américains ont envoyé des engrais pour les paysans haïtiens. Tout le monde a applaudi, y compris le gouvernement. C'est toutes la plaine du cul-de-sac. Mm-hmm. Vous savez, on a découvert après que c'était des déchets dont ils voulaient se débarrasser. Exact. Des déchets toxiques. Les engrais qu'on ne devait pas utiliser. C'est ça. Il ne faut surtout pas qu'il y ait un équilibre. Alors, vous savez, Jacques Langteau, dans un de ses articles, il y a quelques années, a écrit un article intitulé Vivement une révolution en Haïti. Et dans son article, il disait une révolution à la manière cubaine. Ben oui. C'est ce qu'il fallait. Ben oui. Ouais. Oui. Voilà. J'aimerais ça que tu nous sensibilises sur les diasporas et où elles sont situées dans le monde, les diasporas qui existent à partir d'Haïti. Ah là là, il y en a beaucoup, hein. Il y en a partout. Vous avez parlé de la population qui est de 11 millions, mais on peut soupçonner beaucoup plus. À cause des diasporas. Oui, si on les compte aussi. Moi, je parlais de la population en Haïti, environ. Mais il y en a en France, il y en a en France, il y en a en Belgique, il y en a en Afrique, plusieurs pays d'Afrique. Oh, il y en a partout. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait en Russie également, en Pologne, certainement. En Russie? Oui. Il y a des Haïtiens aussi. Il y en a plusieurs qui ont étudié en Russie, entre autres, comment il s'appelle, André Philippe Moïse, je crois, il a étudié la géophysique ou quelque chose du genre en Russie. Il a étudié une Russe aussi. Mais je connais une jeune femme, justement, son père est d'origine haïtienne, sa mère est russe. Ah. C'est ça, il a passé une partie de sa vie en Ça doit être la fille de Moïse. Elle s'appelle comment? Angélina. Angélina. Angélina, mais oui, c'est elle. Mais moi, j'avais moi avant. Philippe André. Oui, Philippe André. Ah oui, je me suis trompé de nom. C'est pas André Philippe, c'est Philippe André. Mais Bon, alors c'est écrit I. Non. I, c'est la temps de la pause, là. OK. Tu la question après. Ça donne mal. On va prendre une petite pause. Ben oui. On commence avec quand? C'est ça que tu veux. Bon, ben moi je vais se couler. Ah, OK. Ben ça, ça vit. En juillet 1795, que l'Espagne a cédé une partie des villes à la France. Ah, c'est tard. 1795. C'est très tard. Donc la France était propriétaire des villes pendant 10 ans, finalement. Oui. Je pense qu'il avait eu longtemps. Ah, mais non, 1795. Oui, c'est vrai. Parce que quand même, le temps d'avoir les plantations... Oui, mais c'était présent. Ah, mais, ok, mais c'était présent, mais c'était pas... Il y avait toujours la guerre. Mais là, non, on a cédé, donc c'est devenu une possession française. Parce que là, on était établi. Le commerce est provisoire. Oui, c'était présent. Oui. La Jamaïque, comment ça... Là, on voit des questions tout en fait. Mais y a-tu des rapports? Nous, pour nous, c'est des îles, mais ce monde-là, il se voyait-tu? Y avait-tu des... Oui, parce que le fameux Bookman. Oui, il venait pas, il venait en bateau à la fin de... Mais j'ai même dit, déjà, les Haïtiens, je pense qu'ils devaient aller en bateau, en voilier, tout ça. Probablement, les Haïtiens qui allaient en bateau, ils l'ont fait venir. Tu parlais de Jean-Claude et quand il est parti pour la France. Et moi, j'ai fait une interview avec Alain Juppé qui disait que les États-Unis leur avaient demandé à la France d'accepter Jean-Claude Duvalier. Ils allaient le reprendre après. La France a fait des démarches pour qu'ils reprennent. Oui, Robert. Tu veux que je t'inscrive après, après Monique? C'est bon. Alors, s'il vous plaît, à vos places. Ça, c'est comme le cinéma. Sur la ligne de départ, comme aux Olympiques. Silence, on tourne. Alors, bon, j'ai un peu perdu l'idée, mais ben, est-ce que je peux... J'avais une idée, elle s'ennuyait tout ça. J'en avais poussé sur plusieurs. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu une crise avec la République dominicaine, il y a peut-être 3-4 ans, 2-3 ans. Et ils ont voulu comme chasser les Haïtiens qui n'avaient pas de papier. Alors, ils se sont redirigés beaucoup. Depuis le parlementaire, en fait, il y a vraiment un exode d'Haïti vers l'Amérique du Sud, parce qu'ils n'ont pas besoin de visa. Puis, ils sont allés au Brésil, au Chili, ils sont très présents. Puis, ben, le Chili, c'est une société blanche. Donc, ils jasent, les Haïtiens. Puis, mais c'est ça, là, il y a quelque chose d'interculturel qui se fait là-bas aussi. Mais bon, il faut dire qu'ils ne sont pas très bien... accueillis. Ben, non, ils sont très accueillis, bien. Mais ils sont exploités. Oui, c'est ça. Ils sont exploités à l'os, là. Ils les paient. Moi, j'étais dans une réunion de femmes paysannes, puis il y avait amené des Haïtiennes. Puis une Haïtienne qui s'est levée, puis que... Mais, tu vois, elle parlait créole, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'éducation, puis ils travaillaient dans les cueillettes, puis ils disaient qu'ils étaient payés 6 fois moins cher que les Chiliens, parce qu'ils n'étaient pas légal. C'est des travailleurs qu'on avait vu. Ils n'ont pas de papier, tu sais. Donc, ils se font exploiter à l'os. Puis au Brésil aussi, les Brésiliens disaient, les Brésiliens de basse classe disaient, ah, ça n'a pas d'allure, les Haïtiens, ils travaillent trop fort. Je te disais, ils acceptent des salaires incroyablement bas, puis ils travaillent comme des bêtes, tu sais. Puis les Brésiliens se plaignaient que les Haïtiens travaillaient trop fort. Parce que... Ça les déclassait. Ben oui, ça les déclassait. Donc, puis il y a eu toute une. Ben, il y a eu un reportage à Radio-Canada, d'ailleurs. C'est quand même incroyable. Les gens sont partis d'Haïti. Là, ils ont eu, je sais pas, un billet d'avion ou de bateau pour se rendre en Colombie. Ils ont traversé la Colombie. Ils sont rentrés en Amazonie. Ils sont rendus à Manaus, au Brésil. Ils ont passé quelques années là-bas. Ils ont travaillé là-bas. Ils ont été discriminés, évidemment. Puis là, il y a eu la crise économique au Brésil. Alors, ils sont obligés de repartir puis ils ont traversé l'Amazonie, la Colombie. Mais là, ils sont partis, ils ont traversé Panama à pied, il n'y a même pas de route, là. Dans la jungle, puis ils se sont rendus jusqu'au Mexique, jusqu'à la frontière à Tijuana. Avec des enfants sur le dos. Non, mais tu te dis, ils sont faits fort, là. À pied, là, c'est fou, là. Tout ce qui endure. C'est l'instinct de survie, hein. Mais ils sont résilients, en tout cas, ils sont incroyables. Ils sont vraiment incroyables. Là, ils sont partis au Mexique. Ben là, je sais pas ce qui est arrivé avec eux à Tijuana. Mais là, ils vont frapper un mur. Ouais, ben c'est ça. Je sais pas ce qui se passe rendu là, mais. Tijuana, c'est le mur. C'est ça. Ben lui, demandait peut-être. Je sais pas. Si j'ai pas suivi, ils n'ont pas reparlé. Qu'est-ce qui se passe là-bas. Ils sont bloqués, les Latinos sont comme bloqués au Mexique. Là. Ouais. C'est ça. Ben les Latinos, ils passent. Mais les. Ouais. Pas tous. Non, pas tous. Et on ne veut rien, on passe pas. Ah non? Non, il y en a beaucoup. Ok, ouais. Ça devient même de dramatique. Pour l'Amérique centrale, c'est 300 000 jeunes par année qui quittent. Là. Puis, c'est ça. Puis bon, l'autre affaire, c'est que le Mexique, c'est disons, c'est un pays qui est raciste envers les Noirs. Là. Ben, c'est pour ça que je dis que ça devient dramatique. Ouais, ouais. Puis aussi, tu sais, à chaque fois que tu concentres des migrants, là, tu sais, puis que tu, en quelque sorte, tu les emmènes dehors, quelque part, tu sais, il y a toujours des tensions, puis il y a toujours. Je ne sais pas si vous aviez quelque chose à commenter. Mais il y a quelqu'un qui m'a posé une question, à savoir à quel moment l'Espagne avait cédé une partie de l'île. Oui, c'est monsieur. Alors, c'était en 1795. Ah, ok. Oui. Mm-hmm. C'est à peu près au même moment que la Révolution française. Oui. Mm-hmm. Ouais. Oui, une des révolutions. C'est ça. Bon, certains ont dit que la Révolution française avait inspiré les Noirs, mais je ne pense pas que. Non. Ils étaient déjà assez maltraités comme ça qu'ils avaient l'intention. Ils prenaient les moyens pour faire leur révolution. Là, je reviens à ma liste. J'ai vu Michael, mais c'est Monique qui parle. Grand Renaud. Renaud? Après? Oui, ouais, sur ta liste. Ok, mais lui, il a le tiré à la main? Oui. Oui, ok, oui. C'est ça. Oui. Ça, c'est dans mon angle. Moi, ce qui m'a intrigué, c'est... j'avais parlé un peu de l'esclavagisme et tout ça, mais moi, ce qui m'a intrigué, c'est... Est-ce qu'à un moment donné, j'imagine qu'il y a dû une loi qui a dû passer? Il n'y a pas eu de. Pour diminuer cet esclavagisme-là? Non, ça n'aurait pas été logique non plus. Parce que la France profitait de l'esclavage. C'est elle qui avait réduit les Noirs en esclavage. Elle aurait été malvenue de voter une loi pour abolir ça. Donc il a fallu qu'il y ait cette révolution. Par contre, vous avez dans d'autres cas, Guadeloupe-Martinique, des gens qui ont demandé l'allègement de l'esclavage, la promulgation de certaines lois, entre le fameux Schœlcher qui s'est élevé contre l'esclavage, tout. Mais en Haïti, non, ils n'ont jamais voulu. D'ailleurs, comme je vous dis, c'est que la France n'a jamais pardonné à Haïti d'avoir pris son indépendance. Ils disaient qu'on la privait de revenus. C'est pour ça qu'ils ont imposé des sanctions, etc. C'est ça qui est aberrant. C'est comme si quelqu'un arrive chez vous, il vous vole tous vos biens, vous arrivez à réussir à mettre un peu, vous foutez à la porte, et puis lui, il vous poursuit parce que vous le privez de nos revenus. Mais dans les accords économiques, c'est comme ça. Les accords économiques, c'est comme ça. Ah oui, les accords. C'est ça. Oui, mais... Quand tu as fait du profit sur une production possible dans les années futures, on peut t'enlever, ça s'est fait en ça. Je sais que le chapitre 11 de l'ALENA, tel qu'on le connaît jusqu'à présent, empêche le gouvernement de poursuivre une compagnie pour l'empêcher de faire ses revenus. Mais je trouve quand même aberrant que des gens qu'on a élus pour défendre les intérêts d'une population, on arrive à voter des lois pareilles en faveur des entreprises. C'est oui. Au-dessus de... Mais oui. Le Michel, t'as pas signé le chapitre 11, ça donne pas le droit de passer par le signe de tour de parole. La manufacture là, au Burkina Faso là, qui s'est effondrée. C'est pas en Bangladesh? Il y en avait de l'esclavagisme là-dedans. Là. Les femmes étaient enfermées. C'est au Bangladesh. Bangladesh, dans les C'est ça qu'on a entendu parler. En Asie. Ouais, ça. OK. Mais c'était quand même de l'esclavagisme. Oh oui, ça existe encore. Ça existe encore, l'esclavage. Il y en a encore. Ben oui. Le cas de la Libye qui a été dénoncé récemment, mais il y en a ailleurs aussi. Robert. Ouais, comment mouiller? Napkambé. Alors, moi, je vais vous raconter une petite histoire parce que j'ai participé un peu à la lutte des Haïtiens contre Papa Doc à l'époque. Ah. Vers 1974, il y avait le festival de Québec, festival d'été de Québec. Mm-hmm. À un moment donné, Papa Doc, Haïti a envoyé une délégation de chanteurs et de danseurs. Alors, les étudiants haïtiens de Québec et de Montréal nous ont contactés. Moi, j'étais à ce moment-là au Parti communiste. Nous ont contactés pour aider les camarades haïtiens, les militants haïtiens, pour faire un travail de propagande, diffuser des tracts au Parc des gouverneurs à Québec. À l'époque. Alors, il y avait là-dedans, je pense, je ne suis pas sûr, là, Adrien Chavanne. Est-ce qu'il y avait Raymond Valsin aussi? Raymond Valsin, exactement. Présentez-nous donc ce personnage. Oui, Raymond Valsin. Alors, un moment donné, surveillé par la police, parce que la police était partout à ce moment-là, incapable de travailler, certains ont été écroués, ont été mis en prison. Alors, c'est nous, les Québécois, qui avons continué le travail des Haïtiens, de distribuer en arrière des... cachant derrière des arbres, on a distribué des tracts. Dénonçant la dictature de Papa Doc. Ah, c'est bon. Et puis c'est moi qui ai eu la tâche aussi d'aller faire sortir les Haïtiens de la prison où ils étaient. Oh, oui. Ensuite, en payant une petite caution, je ne me rappelle pas du montant. Alors, ça a été ma participation. Oui. Mais je vais vous conter une anecdote qui date de cette période. Il y avait quelqu'un de la délégation qui s'appelle Robert Beauduit. Qui était homme de théâtre, poète, etc., qui était présent. Alors, Robert Beauduit était sur les plaines d'Abraham. Il n'y avait peut-être pas d'activité officielle. Et puis là, il rencontre Raymond Valsin. Là, il se met à jaser, etc. Écoute, tu sais, ça va être là, et puis ils s'en vont chacun de son côté. Le lendemain matin, il dormait à l'université dans une chambre d'étudiants. Robert Beauduit, qui me raconte ça, ça cogne à la porte de sa chambre, il ouvre, c'était la Martinière Honora, qui était le chef de la délégation, qui lui montre une photo de lui avec Raymond Valsin en pleine nuit. Il dit, de quoi avez-vous parlé? Qu'est-ce que vous avez projeté de faire? Etc. Ça, etc. Ouais. Oh. C'était grave. Ouais, ouais. Puis quand il y avait des marches de développement épais, je crois, ou quoi, ouais. L'organisme et tout, ouais. Il y avait beaucoup de photographes, il y en avait de vrais. Il y a plusieurs qui étaient des photographes de la GRC ou autre, qui se surveillaient, etc. Parce que tous ces mouvements étaient scrutés à la loupe, par crainte qu'il y ait des éléments subversifs à travers, etc. Donc ça veut dire que l'espionnage, entre guillemets, si vous voulez, ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait partie de l'histoire de l'humanité. Ah oui, autre chose, Michael. Ouais. Ben, j'ai deux questionnements. Un à la fois, je pense. Je vais commencer par le moins palpitant. J'ai remarqué cette année, pourquoi par hasard, j'avais comme constaté que, après la ou les révolutions françaises, que l'attitude colonialiste, voire impérialiste, avait continué. T'sais. Normalement, on peut s'attendre à ce qu'un gouvernement dit révolutionnaire change peut-être de quoi aux relations avec les colonies. Puis là, ça n'avait pas l'air d'avoir changé grand-chose, d'après ce que je voyais. C'est que ça, c'est un peu frappant. Je peux supposer que l'opinion populaire française avait probablement ses idées, mais on dirait que l'élite, malgré la révolution, a comme continué un peu le même colonialisme. Je peux vous citer quelques faits. Lors de mon passage à Dakar, j'étais au Salon du Livre. C'était en 2004 ou quelque chose du genre, je trouve. Et j'ai à un certain moment demandé à un écrivain africain, j'ai dit, pourquoi est-ce que la présence africaine a son siège social à Paris et non pas dans, je sais pas, à Dakar ou ailleurs, hein? Il m'a dit, parce que si on veut avoir une diffusion, il faut être à Paris. Donc les éditeurs africains sérieux, c'est ce qu'il a dit, s'installent à Paris. Donc là, les Français les considèrent. Donc il y a une sorte de mainmise culturelle non déclarée. C'est une chose. Dans un autre domaine, J'ai une amie qui, à l'époque, était avocate, ça remonte à 15-20 ans, était avocate, et elle a été contactée par un étudiant africain à l'Université de Montréal, qui lui dit, c'est difficile d'immigrer, venir étudier, et j'ai envie de fonder une agence qui pourrait faciliter les choses et tout. Elle dit, ben oui, bon, on peut faire ça, on va sur le plan juridique. Alors, elle fait les recherches et tout, elle se renseigne sur le bonhomme, c'est un gars sérieux, c'est pas un gars qui peut flouer le monde, et décide de faire ça. Et donc, ils envoient une publicité. Donc, les Africains commencent à faire des demandes et tout. Alors, ils peuvent faire un dépôt pour l'ouverture de dossier, il faut passer par une banque et tout. Et tout à coup, le type africain reçoit un papier lui disant que la quelle banque française déjà était là-bas a bloqué l'envoi de chèque. Alors, il demande pourquoi, il dit, mais c'est parce que un diplomate français installé là-bas est allé à l'ambassade du Canada pour dire qu'il y avait une fraude. Il dit, mais il n'y a pas de fraude du tout, on a tout vérifié. Alors, renseignement pris, eh bien, c'est simplement parce que pour faire une affaire comme ça, il aurait fallu passer par un organisme français. Traité entre l'Afrique et le Canada directement, ça ne marchait pas. Il fallait que la France soit dedans. C'est subtil, mais c'est exactement ça. Et il y a beaucoup de cas semblables, et il y a quelqu'un qui a fait une réponse à M. Macron récemment, parce qu'on lui a reproché une attitude un peu paternaliste. Des fois, ils ne le font pas exprès, c'est comme si c'était dans leur nature, dans ce qu'ils ont appris dans l'histoire, on a appris à l'école. Ils sont persuadés qu'eux, ils aident. Ils ont fait une réponse à Macron qui traitait un peu les Africains de haut. Et ça rejoint, ça fait écho à ce qui s'est produit il n'y a même pas 10 ans. Il y a eu un concours littéraire. Vous savez quel était le sujet ? Parler des bienfaits de la colonisation. Il y a eu un tollé de protestations mondiales. Finalement, ils ont abandonné le concours. Mais le projet a dû avoir du financement. Sûrement. Alors, donc c'est pour vous dire que les gens, des fois, c'est par inconscience. Ils ne se rendent même pas compte de la portée de la chose, de la signification. Mais c'est grave, mais c'est le monde dans lequel nous vivons. Donc, ça. Le monde est colonisé. Ah oui. J'avais Renaud. Ben moi, je vous ai parlé des professeurs qui sont allés en Afrique et tout ça, mais très peu pour le nombre considérable de profs qu'on a eu. Ah oui, il y en a eu énormément. Après la création du ministère de l'Éducation dans les années 60. Oui, oui. Quand on a chassé les curés et les sœurs des écoles. Là, oui, il y en a eu beaucoup. Je n'ai pas de données précises là-dessus, mais 60, je sais qu'il y en a 60, eu. Il y en a eu plusieurs. Il y a eu des professeurs, des médecins, des gens dans différents domaines, des agronomes notamment. Et vous savez que le principal initiateur du soccer, c'est Guy Saint-Cyr, c'est un haïtien. Il a été intronisé au Temple de la Renommée, et c'est lui qui a amené le soccer ici. Au Québec. Donc, vous savez, il y a beaucoup de faits comme ça, mais dont on ne parle pas. Peut-être qu'il faudrait un ouvrage spécial sur les gens d'origine haïtienne qui ont marqué la société d'une certaine façon. Il y a un haïtien aussi qui est mort il y a quelques années, qui était aussi écrivain, qui a joué un grand rôle. Émile Olivier. Merci. Ouais. Ouais. Ah oui. Oui. Ronald. Oui. En 1967, il y a eu l'exposition universelle. Je l'ai fréquenté énormément, mais je ne me souviens pas s'il y avait eu un pavillon haïtien. Ah, ben oui! Il y avait un pavillon haïtien. Ah, oui. Il y avait du rhum, puis il y avait de la musique. Ah, mais c'est normal! Mais je précise, c'est pas seulement ça, Haïti. Jonathan, nom du 4 mots, chrétien, catholique. Dans ma culture au Québec, la religion a eu des hauts et des bas. Plusieurs dizaines d'années, l'État s'est dissocié de la religion. En 2010, on a vu Haïti, tremblement de terre, on a vu des membres influents de l'Église de Scientologie partir des États-Unis et aller jusqu'à Haïti. C'est un phénomène qu'on connaît ici à Québec, on a une Église de Scientologie. Saint-Joseph. Oui, dur à manquer. Alors, moi, la question que je me pose, c'est la place de la religion dans la société haïtienne. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on voit au cinéma, on voit toutes sortes d'histoires un peu plus fortes. Hein. Mais du vaudou. Ouais. Bon, entre autres, mais ça, c'est ce que j'en ai lu dans les livres, ce que j'en ai vu au cinéma, c'est pas du tout la même chose. Non, pas du tout. Parce que, oui. Alors, bon, pour situer le vaudou, très rapidement, c'est une religion syncrétique, en ce sens qu'elle a pris des éléments de différentes religions. Il y avait différentes tribus africaines, des gens de provenance différentes, en Haïti, et croyant leur Dieu, donc il y a eu une sorte d'amalgame, si l'on peut dire. Mais c'est ce qui s'est produit aussi avec le français, les colons, et les différentes langues des gens venus d'Afrique. Donc le vaudou et le créole sont formés à peu près de la même façon. Donc on a vu que c'était un moyen de résistance. Les colons ne voulaient pas que les Africains pratiquent leur religion. Donc, ils ont mis des noms très catholiques dans leur prière. Donc, le colon, lui, il ne comprenait pas tout, mais il pensait que ça, c'était la religion catholique. Le créole, c'est la même chose. Ils ont pris des mots français où se sont retrouvés des mots espagnols, etc. Donc, ils arrivaient à communiquer. Ils ont formé une sorte de dialogue d'abord qui est vraiment devenu une langue par la suite. À part ça, on a des baptistes, des adventistes, etc. etc. L'église de Scientologie ne m'étonne pas qu'elle soit en Haïti, parce qu'ils sont toujours là où ils peuvent faire le plus de profit possible. Et par contre, moi je trouve ça, ce que je trouve plus dangereux encore que cette église-là, c'est Monsanto, qui a soi-disant voulu venir en aide à la population d'Haïti, qui va crever de faim, alors on apporte des semences et tout. Ouais, oui, ça, c'est un crime. Mais oui, c'est ça. Alors, quand je vois les gouvernements faire toutes sortes d'avis de choses contre la cigarette et tout, alors que les OGM, là, la cigarette, tu fumes, t'es conscient. Les OGM, tu le sais pas, ils se retrouvent dans ta bouffe régulièrement. Et ça ne se reproduit pas. Il faut vraiment racheter la semence chaque fois. Donc, ça ruine un peu. Il y a tout un village indien, en Inde, vraiment, là, qui s'est suicidé. Parce que les gens ne pouvaient plus acheter les semences. Et c'était leur seule ressource, l'agriculture. Donc, suicide collectif. Et pourtant, cette compagnie a continué d'évoluer, normalement, respectée par les gouvernements. Oui, puisqu'on parle de Monsanto, son créneau, c'est la nourriture, mais c'est aussi la sécurité privée. Donc, des soldats privés qui encerclent les communautés, qui les empêchent d'avoir accès aux ressources extérieures. D'accord. Par rapport à son Monsanto, si je pouvais compléter ma question au sujet de la religion, est-ce que la chrétienté est présente à Haïti en politique? Est-ce qu'une personne qui a besoin de soutien moral peut avoir accès à la chrétienté? Ah oui, sûrement. Mais vous savez, c'est assez complexe comme situation, parce que la religion catholique, en Haïti du moins, va dire que le vaudou, c'est une religion satanique. C'est pas tout à fait ça vraiment, mais c'est ce qu'ils vont dire. Certains vont dire, moi, je ne pratique pas le vaudou. Mais en cachette, vont peut-être aller consulter un prêtre du vaudou dans l'espoir que ça va améliorer son sort, etc. Et il y a certains de ces prêtres vaudou qui vont exploiter la population. Certains peuvent être sincères, mais d'autres, ce sont des farceurs qui font des shows pour les touristes. Donc vous avez un petit peu de tout. En fait, c'est l'image de l'être humain. C'est un phénomène qu'on connaît au Québec. Mais c'est ça, on le connaît bien. Donc, vous avez des gens, en Haïti, les gens sont très religieux en général, quelle que soit la religion qu'ils pratiquent. Ça, c'est évident, que ce soit baptiste, adventiste, n'importe quoi, mais ils sont très religieux. Et puis, il y a une chose aussi, c'est qu'on a un proverbe en Haïti, en fait un dicton, « Bon Dieu, bon, ça veut dire que Dieu est bon, ça va se régler. » Ça ne veut pas dire qu'ils se croisent les bras, mais ils vont dire, j'ai fait l'effort que je pouvais, c'est tout ce que je pouvais faire, donc le reste, c'est Dieu qui va faire. Donc, ce qui montre vraiment une croyance profonde. Ouais. Avec la loi que Trump a abrogée pour les résidents, les Haïtiens qui résident aux États-Unis, le sanctuaire du Cap de la Madeleine, sa grosse semaine, c'est les Haïtiens qui débarquaient. Puis là, ils sont pas venus cette année à cause de ça, parce qu'ils venaient de New York, ils descendaient des États-Unis. Là, ils sont pas venus, ils ont eu peur de pas pouvoir retourner. Mais je peux me permettre de revenir. Ah oui, vas-y. Oui, vas-y. Je connais pas beaucoup la société haïtienne, ni les différentes religions qu'elle compose. Le vaudou, qui est dénigré en disant que c'est une religion sataniste, je crois peu. Par contre, j'ai déjà vu l'église chrétienne, catholique et autres pointer du doigt le Wicca. de la même façon. Pourtant, on y retrouve pas du tout les critères nécessaires pour être identifié comme un culte sataniste. Le peu que j'ai lu du vaudou, moi, c'est l'athéisme religieux, qui est aussi le fait du catholique, du catholicisme. Ben oui. Mais disons que c'est, au contraire, c'est pas une religion athée du tout. Il y a plusieurs vœux. Il y a un polythéisme, mais vous avez une sorte de cosmogonie avec chaque dieu qui a son rôle et tout. En fait, c'était un peu ce qu'on a dans la religion catholique et dans toutes les religions. Vous avez le Dieu qui est le Tout-Puissant, vous avez les saints, etc. Les archanges, les anges, les archanges, etc. Il y a une hiérarchie à peu près semblable. Ce qui, par contre, c'est que on parle du vaudou, les gens confondent vaudou et sorcellerie. Alors que la sorcellerie, elle peut faire partie du vaudou, mais elle n'est pas une partie normale du vaudou. Mmh. Et la sorcellerie a existé dans tous les pays du monde. Mmh. Et lors d'une exposition sur le vaudou au Musée de la Civilisation, j'avais fait une petite recherche, et puis j'ai vu que, parce qu'on parle souvent de l'envoûtement, j'ai vu qu'à la cour des grands en Europe, ils se pratiquaient régulièrement de l'envoûtement et toutes sortes de rituels comme ça qu'on attribue au vaudou. Alors, souvent dans les films, pour le vaudou, on voit une poupée. Ouais. Oui. J'ai pas souvent vu ça en Haïti. Par contre, dans les films dont l'histoire se passe ailleurs, je le vois. Donc, il y a beaucoup de mythes. C'est qu'aussi, quand c'est étrange, c'est différent, on aime vous créer de l'exotisme au maximum pour attirer la population, pour susciter l'horreur ou l'admiration, je ne sais pas trop. Donc, c'est quelque chose de morbide là-dedans, mais ça, on n'y peut rien. On ne peut pas brider l'imagination des cinéastes et des romanciers. Mais pour conclure cela, c'est que je dirais que le vaudou, c'est une religion à part entière, même si elle fait référence souvent à la religion catholique pour des noms de saints, etc. Mais c'est, comment dirais-je, honorer des dieux auxquels on croit. On n'est pas forcément, comment dirais-je, tributaire de ces dieux-là, parce que moi j'ai été élevé dans la religion catholique, mais je connais des gens qui sont élevés dans la religion catholique aussi, qui pratiquaient, non pas le vaudou de façon régulière, mais c'est un dieu. Bah, de temps en temps, il y a un proverbe qui dit « dégagez, pas péché ». Ça veut dire, c'est comme on dirait, il y a toujours moyen de moyenner. Recourir un moyen pour t'aider momentanément, c'est pas grave. Donc certains vont le faire. Alors, oui, mais je vais vous conter une anecdote qui m'a surtout frappé en différé. Je devais avoir 8 ou 9 ans. Ma mère avait un cousin qui habitait dans le département de l'Artibonite, près de ce qu'on appelle le pont Sondé, sur la rivière de l'Artibonite. Alors lui avait une petite maison là, donc je m'en vais pour les vacances. Plusieurs soirs, j'entends des chants, des bruits, etc. Et puis tout le monde de la maison était comme ça et tout. J'ai demandé ce que c'était. On a dit, mais c'est des affaires de loi, etc. Les lois, c'est les dieux vaudous. Et un matin, on s'en allait à la rivière, les enfants s'en allaient dans ce bord de la rivière, dans le fleuve, avec un adulte. Et arrivé dans un tournant, il y avait un arbre, et au-dessous de l'arbre, il y avait une grosse pierre rose, avec des petits brillants, tout ça, et on nous écartait. Moi, j'ai demandé pourquoi. On dit, ben, parce que si quelqu'un touche à ça, il va être possédé. Alors en créole, loi apprend. Tu fais ça bizarre, donc on y va. Au retour, même chose. La fois d'après où on y va, je fais semblant de ne même pas voir la pierre et tout. Je me cours, je touche la pierre. Je n'ai jamais été possédé. Oui. Donc, si j'y avais cru, ça aurait marché. C'est de l'autosuggestion, en fait, de la suggestion, tout simplement. Donc, certains y croient, mais... Puis même, d'ailleurs, là, c'était un peu de temps avant que je retourne à Port-au-Prince, les vacances achevaient. Et on est allé dans, comment il appelle ça, le péristyle, c'est ça l'affaire pour le vaudou? Oui. Le péristyle, il y avait une cérémonie où il invitait tout le monde. Alors je suis allé avec ma mère et une tante. Puis il y avait des gens qui dansaient. J'ai vu un bonhomme possédé vraiment, etc. Alors il y a une dame qui a plongé la main dans une sorte de trou qui avait une eau boueuse. Et ça est arrivé devant moi, elle me l'a passé sur le visage comme ça. Donc moi, ça m'a effrayé. On m'a dit, mais non, elle t'a béni. Elle va te protéger. Bon, si c'est vrai, tant mieux. Mais je n'ai pas eu d'autres choses de ce genre-là. Mais je sais par contre qu'il y a des gens qui y croient dur comme ça. le phénomène des zombies. Okay, oui, des zombies. De sortir là-dessus, là, oui. Là. Scientifiquement ou selon le mythe? Non, ben, je veux dire en Haïti. C'est... Bon, c'est sûr qu'on vous parle d'un zombie, c'est quelqu'un qui n'a plus de volonté. S'il mange du sel, il va mourir ou il deviendra plus zombie. Scientifiquement, c'est un produit végétal qui annihile toute volonté et qui réduit en légumes. C'est une drogue. C'est ça. Et puis, on peut faire de vous ce que vous voulez. On trouve dans le tétra. Oui, c'est ça. Mais il existe peut-être un contre-poison, mais je l'ignore. Mais sauf que... Oui. Ben, alors, ils prennent ces gens-là après pour les faire travailler dans les champs gratuitement. Ils n'ont plus de volonté, il faut les conduire, etc. Donc, on les a toujours présentés comme des gens avec des yeux agrandis, les cheveux dressés sur la tête, vraiment horribles. Donc ça, c'est l'imaginaire des romanciers, des cinéastes. Ben, les Américains qui ont... Ben oui. J'ai Claudette, Émilie... Oui, petite parenthèse en parlant de vaudou. Et un bonhomme qui s'appelait Greenspan, qui était le président de la banque... Alain Greenspan. C'est ça. Est-ce que vous savez ce qu'il faisait au début du mois? Il faisait venir un prêtre vaudou pour... Bénir l'endroit. Dans un milieu aussi rationnel que la bourse, ça c'est spécial. C'est ça. Alors, on aurait Claudette, Émilie, Robert. Mais moi, c'est pour parler un petit peu d'une expérience que j'ai vécue, vous parliez du vaudou. J'ai vécu 21 ans chez les Autochtones dans le nord d'Alberta. Et puis là-bas, ils ne parlent pas du vaudou, mais du Witigo. Ça voulait dire que quand on est possédé par le Witigo, là, la personne qui était possédée, elle se promenait tout le temps, elle ne restait pas mobile. Là. Alors voilà que celui qui amenait les enfants à l'école avec les chevaux, là, avant, il venait toujours après prendre un thé à la maison chez les sœurs, puis après ça, ils sont retournés à la maison. Puis là, depuis un bout de temps, il venait plus, puis on se demandait, là, cette fille, elle m'appelle, puis elle dit, « Hey, la soeur, il faut que tu viennes à la maison. » Elle dit, « Faut que je vérifie si mon père est possédé du Witigo. » Puis elle dit, « S'il est possédé du Witigo, là, quand tu vas rentrer, il va s'en aller. Il ne pourra pas rester en ta présence. » Elle dit, « Je pense que c'est pour ça qu'il ne va plus monter chez nous. » Bon, ben, je suis en cours. Je vais aller tester le Witigo. Alors, je rentre chez lui, puis demain, on jasait, puis... C'est le fait qu'il sort. Il sort. Il n'a pas été capable de rester parce que j'étais là. Alors là, ben, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des sessions de prière. Là, puis, il est revenu prendre son thé à la maison. Il a fallu qu'il rencontre un homme de la médecine. Là. Il y a un homme de la médecine là, pour vraiment aider les gens. Puis c'est ça qu'on a fait. Mais c'est bizarre. Je ne sais pas s'il s'agit de... d'onde ou quelque chose du genre que vous émettez, etc. Où lui est très réceptif. Mais une chose qui m'avait toujours frappé, Salvador Dali, vous savez, qui était iconoclaste, il ne voulait rien savoir de la religion. Mais depuis enfant, et sa sœur raconte dans la biographie qu'elle a faite de lui, qu'en arrivant dans un village qu'il allait se promener, dès le haut de la colline ou de la montagne, il pouvait voir le crochet de l'église et s'arrangeait pour le cacher. Parce que s'il voyait un crucifix, une croix, n'importe quoi, il piquait une crise de nerfs, quasiment une crise d'hystérie. Rien qu'à voir ça, depuis enfant. Donc je ne sais pas s'il y a des résonances particulières qui atteignent le cerveau. Des problèmes de santé mentale. En quelque sorte, oui. Parce que aussi, on a commencé, nous autres, à faire un petit jardin, là. Puis là, les gens qui ont dit, vous avez fait votre jardin là, mais vous savez qu'il y avait quelqu'un qui était habité par le Witigo, puis pour le libérer, ils l'ont mis à mort, mais ils l'ont coupé les membres, puis ils ont enterré un peu partout pour qu'ils se remettent ensemble. Il y a des morceaux qui sont enterrés là où vous avez fait votre jardin. Alors c'est sûr que la gelée va. Ça s'est pas passé, là. Ça ben finit l'histoire. Le Witigo est mort. Mais c'est pénible quand quand même, parce que les personnes croyaient ça. Oui, mais ils vivent avec ça. Ah oui, ils ont été élevés avec ça. Si j'étais née là, moi, j'aurais été comme ça. Là, je faisais peur au Wittigo. Oui, des croyances. Émilie? Oui, ben c'est ça, mais je pense que j'ai des discussions profondes, justement, avec quelqu'un d'origine africaine hier, puis lui montrer à quel point il y avait, tu sais, même dans la culture occidentale, puis encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui avaient des superstitions fortes. Et oui, l'irrationnel, c'est comme, ça peut être présent partout, à certains niveaux. Mais c'était pas ça ma question, mais j'en venais avec le sujet qu'on parle en ce moment. Je trouvais ça super intéressant parce que je connais pas beaucoup la culture ou les cultures haïtiennes, mais en fait, à rencontrer un peu d'haïtiens, je me rendais compte que l'image qui se faisait bon, au cinéma, dans certains films, où je m'en venais à douter qu'il y avait beaucoup d'appropriation culturelle, en fait, de la culture haïtienne. En fait, je sais pas qu'est-ce que vous aviez à dire là-dedans par rapport à ça, par rapport à l'appropriation culturelle. L'appropriation, qui est-ce qui procède à l'appropriation? Les cultures étrangères qui prennent ou la culture haïtienne qui prend? Oui, c'est ça. Par exemple, je pense qu'il y a une critique qui se fait beaucoup par rapport à ça, puis de plus en plus chez les Autochtones là, de l'île de la Grande Tortue, là, d'Amérique du Nord, dans le fond, c'est qu'il y a beaucoup de pratiques culturelles autochtones qui sont nécessairement mauvaises intentions, mais sont prises par je sais pas, la culture, je dirais, majoritaire ou dominante. Mm-hmm. Mais ôter du contexte culturel, pas en respect de la signification que ça a, en fait. Puis c'est aussi un peu déformé, là. Donc, par exemple, je me disais que, par exemple, dans le cinéma américain, par exemple, il pouvait sûrement avoir une vision complètement déformée puis clichée de ce qui est le vaudou, par exemple. Mais dans les autos. Vous savez, ce qui est... On dort pas dans les autres. Ce qui est particulier, c'est que si vous prenez le cinéma américain, ils peuvent... en fait, les cinéastes peuvent se permettre de ridiculiser ou de faire ce qu'ils veulent de n'importe quelle culture, de n'importe quel individu. Ben oui. Mais n'essayez pas de faire la même chose avec un personnage historique américain. Ça, ils ne le prendront pas, certainement pas. Donc, c'est le dernier, James Bond, je ne sais pas si c'est le dernier, celui qui se passait, commençait au Mexique, lors de la fête des morts. Mm-hmm. Ben, le Mexique a protesté en raison de l'image qu'on projetait du Mexique, leur croyance et tout. Et pour enlever la scène, ben, les réalisateurs ont demandé que le Mexique paye une certaine somme d'argent. J'ignore comment ça s'est réglé. Vous voyez? Donc, c'est que là, il peut présenter n'importe qui comme un méchant, n'importe quoi. Donc, c'est une situation un peu difficile parce qu'il faudrait changer la mentalité. Et jusqu'à quel point? Parce que si quelque chose est vendeur, on ne va pas l'enlever, même si c'est complètement faux. Donc, ça, c'est qu'en même temps, tu ne peux pas empêcher une culture d'en récupérer une autre. Non, tu ne peux pas, le faire. Mais quand tu la récupères pour l'enlaidir ou la dénigrer, c'est là que... Pour en faire un bien de consommation. C'est ça. De toute façon, les Américains, ils ont... Ôter le sacré. Ils ont entre autres commencé avec les Amérindiens. Oui. Les blancs du Chicago. C'est Jérôme Kids. Alors, Robert, puis après ça, je pense que... Le phénomène du vaudou est lié beaucoup à l'oppression. Le phénomène de ces religions-là au Brésil, les esclaves, tout ça. Quand j'étais à Madagascar, j'ai lu un livre qui s'appelle « Oppression et libération dans l'imaginaire » de Gérard Altab aux éditions Maspero, une édition de gauche à l'époque. Puis c'est un peu ce qui se racontait. C'est-à-dire qu'à un moment donné... Puis c'est un peu ce que Marx dit dans le manifeste communiste, la créature est tellement prise dans son quotidien, tellement écrasée par son quotidien, qu'elle cherche à se libérer dans l'imaginaire, elle cherche à se créer des façons de s'en sortir. C'est ça, je pense, le sens et la valeur de ces religions-là au Brésil, ou aussi en Afrique, des pratiques de possession, des pratiques qui finalement finissent par libérer un peu, au moins dans l'imaginaire, les gens. Ou comme certains boivent. Le christianisme est né comme ça. C'est-à-dire, le christianisme est né à l'époque où l'Empire romain était tout puissant. Mm-hmm. Alors, comment échapper à cette domination? On n'en voyait pas d'issue. Même s'il y avait des zélotes, nommé Judas notamment, et il ne voyait pas d'issue. Donc, le premier siècle, il y avait beaucoup de religions, genre, qu'on peut rapprocher du vaudou, de libération de la monastère, de rêve. Ça, c'est un phénomène qui est très important. Oui, parce que toute religion est d'abord une secte. Ça dépend si elle triomphe, si elle triomphe ou non, ça dépend des circonstances. Mais ce qui arrive, c'est que la religion catholique a été révolutionnaire en ce sens qu'elle parlait de la bonté au sens où on la comprend aujourd'hui, contrairement à d'autres religions, qui étaient plus individualistes. Donc c'est ce qui était bien, donc aimez-vous les uns les autres, etc. Donc ça jouait beaucoup à un moment où les gens étaient persécutés. Donc les chrétiens jetés dans la fosse aux lions, tout ça, etc. Mais il est évident que toutes les religions constituent une soupape, quelle que soit la civilisation, et qu'il y a eu des errements, des aberrations, dans certains cas c'est possible, comme on dit au Québec, où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. C'est ça. Donc, la religion, donc le culte lui-même, est une invention des humains, mais la religiosité elle-même, le sacré, bon, on n'a pas inventé, on le ressent de toute façon. Donc, je suis contre ceux qui veulent établir des hiérarchies dans les religions. On a cette religion-là, c'est la nôtre, point final. Ils n'ont pas estimé que telle est meilleure que d'autres. Mm-hmm. Parce qu'à partir de ça, on a des guerres, on a toutes sortes de... d'aberration. C'est pour ça que j'ai des fois qui... Ça fait trop mort. Il y a un professeur de religion qui m'a dit, je pourrais presque dire qu'il m'a avoué, que la cause des plus grandes guerres dans toute l'histoire de l'humanité, ça a été les religions. C'est terrible, hein? Parce que les individus sont tellement pris, qu'ils sont persuadés qu'ils ont raison. Alors là, ils veulent avoir raison absolument, donc ils t'éliminent pour ça. Donc ça, c'est malheureux, parce que c'est pas du tout ça l'idée au départ. Alors, on va faire une brève évaluation, mais il y a Michel avant qui veut commenter. Oui. Je pense qu'on a une religion aujourd'hui, la religion de la consommation. Ah, oui, hélas. On est pris, notre vie n'a plus de sens, on va consommer, c'est pour compenser, c'est ce vide-là existentiel, oui. Essentiel aussi. Puis on est sceptique quand on ne fait pas partie de la majorité. C'est l'argumentaire rationnel qui crée les pointes de tarte. Là. Je pense que c'est peut-être le type de mental qu'on pratique qui crée la sectarité, ça se pose. Le sectarisme, le segment. Ouais. Une des grandes racines de tout ça, c'est le darwinisme social, qui est une forme de sectarisme. Hein. On discrimine, la vie discrimine pour trouver le meilleur. C'est, ça en est une forme de sectarisme fondamental. On sait aujourd'hui la vie coopère plutôt pour une émulation des meilleurs possibles. Mais Darwin n'y est pour rien. En fait, c'est la nature qui fait. Oui, c'est ça. C'est ça. Entre, il y a des choses fondamentales. Là. Voilà. Mais il y a aussi l'idéologie qui est une belle religion. L'idéologie de l'OTAN et du G7. Bon, sous la bannière américaine, on va imposer la démocratie, les droits humains. C'est pas grave, c'est plus de pays après qu'on a tué tout le monde, mais ils ont la démocratie. On l'a fait dans plusieurs pays. Il y a des rumeurs qui s'apprêtent à le faire au Venezuela. C'est vraiment, c'est épeurant. Puis nous, on est comme des Kalinours, les Canadiens. On est inconscients complètement de ce qui se fait en notre nom. Madame Freeland est dans le groupe de Lima, puis elle appuie ça, là, une intervention humanitaire. On va aller lui porter des couches puis du papier de toilette à coup de bombe. En tout cas, c'est triste. Oui? Une dernière chose, le phénomène, Jung appelait ça des pestes psychiques, là, les égrégores qu'il appelle en Inde, ou, c'est quand des masses médias ou des moyens informent, remplissent le cerveau là, de... Que ce soit Radio-Canada ou tout ce qu'on nous. Ça devient le réel. On met de l'énergie dans ça, puis ça agit beaucoup sur le phénomène. Ça crée les pseudo-réalités dans la conscience des gens. Hein? Puis on n'a pas la capacité aujourd'hui, avec tous les écrans qu'on a, de prendre du champ, mais on n'est plus capable de générer nos propres l'élaboration de la compréhension des choses. On est rempli comme des étranges. On est tellement saturé là que... Je vais ajouter quelque chose que j'ai trouvé assez scandaleux. C'est un individu qui a envoyé un message à différentes personnes pour protester. Qu'est-ce que ça va donner? Je l'ignore. C'est que le bonhomme a écrit un article contre la vaccination. Mm-hmm. C'est son droit. Il a mis ça sur Facebook, avec, en fait plutôt, il a mis un lien sur Facebook sur lequel on cliquait pour aller à son article. Et vous savez ce qui s'est passé? Facebook a modifié, donc quand tu cliques sur le fameux lien, tu tombes sur un article du gouvernement français en faveur de la vaccination. Oui, c'est obligatoire. Mais... Oui, je sais, mais c'est grave. Alors, ça, on ne te permet même pas de voir l'argument contraire. On te dirige. Donc ça, c'est pire qu'une dictature. C'est un exemple sur la vaccination où les gens sont pour ou contre. Les fondements de la vie, c'est l'autorégulation du vivant. C'est Big Pharma qui empoche ça. Mais vous savez aussi que Rockefeller, quelques années avant sa mort, avait dit qu'il fallait réduire la population mondiale de moitié. Donc il y a plusieurs personnes qui s'y emploient par différents moyens, fabriquant des bombes ou des vaccins. J'en ai une autre pour vous décourager complètement. Quand le gouvernement Macri en Argentine a remplacé le gouvernement de gauche de Cristina Kirchner, puis avec son mari, ça a duré 12-15 ans, le gouvernement de gauche en Argentine. Alors, le nouveau gouvernement néolibéral de Macri, qui a gagné en promettant qu'il n'allait rien changer, mais il a tout changé, il a licencié peut-être la moitié de la fonction publique. Puis, une affaire qui m'a sauté dans la face, c'est qu'il est allé voir les profils Facebook de tous les fonctionnaires, puis ceux qui avaient des affaires à gauche, dehors. Avec Facebook. Gestion des ressources humaines. Alors, merci beaucoup, Alix. Merci à vous d'être venu. Vous avez apprécié. Merci de l'invitation. J'ai apprécié. Merci beaucoup. Oui. Alors, merci pour... Oui, est-ce qu'on fait une courte évaluation? Merci pour l'écoute. Pendant qu'il est là, mais là, attends, ils vont t'envoyer les pots, là, mais... Oui, Monique. Moi, je vais y aller tout de suite. Merci. J'ai trouvé ça très, très enrichissant, très élaboré, mais enrichissant en même temps. J'ai appris des choses, puis il m'est revenu en tête à un moment donné que quand j'étais jeune à l'école... Il nous avait fait lire un livre, puis le titre du livre, c'était « La case de l'autre tome ». Et ça m'a rappelé ça. Ça m'a ramené dans cette histoire-là. Je me suis dit « Oh, peut-être que ça a un lien ». Je ne sais pas, mais... L'esclavage. Ça m'a rappelé ce souvenir-là. Je trouve que, je ne sais pas si c'est plus élaboré qu'avant, mais... Je trouve que dans les écoles, on ne parle pas assez de justement des pays qui ont des besoins ou qui vivent des choses comme en Haïti. Tu sais, je trouve ça déplorable et triste à la fois parce que on devrait tous s'allier les uns les autres et non pas se disperser. Mais vous voyez, malheureusement, quand il y a des catastrophes, des drames, en Haïti, tous les journaux en parlent. Quand il y a de belles réalisations, bien, une voix parle. C'est un choix malheureux, mais c'est vraiment leur choix. Donc, ils veulent du sens du scandale, du sensationnel, ce qui va faire vendre. Donc, il y a pas de ça un fait. Oui. Il faut qu'il y ait. Oui, c'est ça. Mais merci beaucoup. D'accord, merci à vous. Oui. J'ai trouvé le sujet nouveau comparativement au sujet qu'on a soulevé en quelques mots, qu'on était plus centré sur un pays, Haïti, puis l'Amérique latine aussi. Je trouvais ça intéressant de voir une autre réalité dans le Québec. Qu'est-ce que c'est que l'indépendance d'un pays? Qu'est-ce que ça coûte? Quelles sont les épreuves que la population et l'État doivent affronter? Je trouvais que C'est quelque chose qu'on entend souvent parler ici, mais on n'a pas d'exemple concret qui vient de l'extérieur. Je trouvais qu'on avait des discussions très diversifiées sur toutes sortes de sujets. Je trouvais ça vraiment rafraîchissant comme expérience ce soir. Merci beaucoup. J'ai apprécié l'écoute aussi. Vous étiez très attentifs. Mmh. Ouais, on a un bon public. Ah, ben ça fait partie de l'ADN du café. Ah, c'est parce qu'on les nourrit bien aussi. Oui. D'autres commentaires? J'ai bien apprécié votre historique là, d'Haïti. C'est très intéressant. Mais puisqu'on est dans le mois de l'histoire des Noirs, Monique parlait de la case de l'oncle Tom. Vous pourriez peut-être nous situer par rapport à ça. C'est le premier livre écrit par un historien américain. Je ne l'ai pas lu. Je pense avoir vu un film qui avait été tourné à partir de ça. Et c'est très vieux dans mon esprit. Sauf que ce que j'en ai retenu, c'est que l'oncle Tom a donné son nom justement à une attitude qu'on appelle l'oncle Tomisme. C'est le bon noir, toujours docile, qui dit oui, oui, oui, oui. Ah, d'accord. Donc c'est pourquoi ça ne m'a pas accroché plus que ça. Donc, ce n'était pas haïtien du tout, de toute façon. Par contre, Alix, ce qui est intéressant dans ce livre-là, c'est le train. C'est qu'il y avait tout un système de gens qui facilitait le passage du sud des États-Unis vers le Canada, vers Halifax ou vers Montréal, où beaucoup de Noirs... Il appelait ça le train. De toute façon, il y a une série récente qu'on va parler de qui a sorti. Ah oui? Alors, d'autres commentaires ou on clôt la soirée? Merci. Merci beaucoup. C'est une bonne occasion de mois comme ça. Je dis merci encore une fois. Ah, merci, ça fait plaisir. Il n'y a pas encore des activités en ce moment? Ah, ben, c'est vraiment la Michelle. C'est celle. Il y en a beaucoup. Non, mais allez voir le site marqué table de. Moi, l'histoire des Noirs de Québec. Parce que sinon, ça va aller sur celui de Montréal. OK. Alors, il y a beaucoup d'activités. Ce soir, il y en avait une aussi à la librairie Pantou. Ouais. Il y a quelque chose... Webster a fait aussi des présentations. Il en a fait une à notre cégep hier. Il donnait trois séries de conférences sur la présence noire à Québec, au Québec. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a samedi? J'ai pas tout par cœur, là, mais samedi, il y a la présentation d'un documentaire sur Cheikh Anta Diop. Oh, oui. C'est à la Maison de la littérature et c'est dans l'après-midi, c'est de 14h à 16h, c'est ça. Ensuite, le reste, vous avez envie d'aller consulter, je m'en souviens. Il y a vraiment beaucoup d'activités. Ce soir, il y avait Webster au cégep de Nouvelle. C'est ça, c'était ce soir. On ne peut pas être là en même temps. Ben non, c'est ça. Nous, il est venu hier soir au cégep Garneau. Il était à cinq fois hier midi, je crois. Non, c'est aujourd'hui qu'il était à cinq fois. En tout cas, il fait une bonne tournée. Puis, c'était vraiment intéressant la façon dont il se présente. Pour les gens qui s'intéressent, vous pouvez aller voir mediareseauforum.org pour faire de l'annonce pour ma paroisse, parce que je suis sur le comité de coordination de l'Eso Forum Social. En passant, Cheikh Anta Diop est un des grands poètes africains, c'est vraiment un des apôtres, un des maîtres de la négritude. Cheikh Anta Diop est vraiment une poésie extrêmement intéressante. C'est un documentaire, puis il y a une discussion après sur le... Oui, Mimi? Ben juste pour vous inviter déjà le mois prochain, mais c'est le 15 mars, prochaine rencontre mensuelle. Il va y avoir une projection du film Porter notre dignité. Donc, le Centre des femmes de la Basse-Ville qui présente ça. C'est une projection qui a été faite avec des femmes autant québécoises que migrantes, mais qui résident dans différents HLM de la ville de Québec pour exprimer leurs paroles sur différents sujets. Suivi d'un atelier sur les préjugés. Donc, mais je vais vous en reparler. Mais il y a aussi, pour ceux qui ne pourraient pas, le 15 mars, ça va être présenté aussi le 1er mars au centre amical de la Basse-Ville. Je me souviens plus à quelle heure, mais je pense que ça va être... L'après-midi. Sur Média Forum aussi. Ah, on ira voir sur Média. C'est la bonne source d'information à Québec. C'est ouais. Puis moi, ben, je ne serai pas là à la prochaine rencontre parce que je m'en vais au Forum social mondial à Bahia. Mais alors, au mois d'avril, vers le 19 avril, où je ne me souviens plus, mais en tout cas, la prochaine rencontre d'avril, je ferai votre. Un compte, oui, le 19, je pense. Ouais, puis je ferai un compte rendu. Mais tu sais, c'est un film sur les femmes, en fait. Donc, c'est étant donné que c'est le 8 mars, c'est le mois de. Mais est-ce que je peux vous faire une petite pub? Oui, vas-y. La prochaine rencontre du cercle Gabriel Garcia Marquez, c'est avec André Lévesque Sioui, amérindienne, qui va nous parler de la langue et de la culture Wendat. Donc c'est le 28 à 19h à la bibliothèque Gabriel Roy, deuxième étage, salle Gérard Martin. C'est ça. Donc c'est toujours à 19h, dernier mercredi du mois.